keeping your C-shape here, shoulders over the hips, I'm not collapsing, I'm still up into a C-shape in my spine. Inhale, exhale, walk. Salut à tous les bonitos, ici Margie, Émir et David. En ces temps incertains, on a eu envie de se réunir pour se donner des nouvelles, vous en donner et passer un peu de temps avec vous. Bon, alors quand je dis se réunir, on s'entend bien. Chez Jogging Bonito, on est totalement Covid-19 proof depuis le début. De Lille à Paris, en passant par les Californies, on s'aime mais de loin. Il est bon de préciser que nous sommes le vendredi 20 mars. Alors, même à différents coins du globe, nous sommes tous les trois confinés. Et ça doit être le cas pour la majorité d'entre vous, les bonitos. Alors, ça va nous faire plaisir de passer un petit moment ensemble. Bien sûr, et ça fait du bien de se rapprocher à distance comme ça. Il faut créer ça. Moi, je vais vous expliquer des trucs de start-up que ma société a mis en place pour créer des... Tu prends n'importe quel moment de la vie réelle, tu mets un E tiré devant et ça te fait un moment Covid-19 proof. Ouais, c'est vraiment juste. Par exemple, tu prends café, e-café, tu vois. Tu prends meeting, e-meeting. E-meeting. Eh bien, il faut faire une petite photo pour Instagram pour que ça devienne e-meeting et e-café, non ? Éventuellement, ouais, ça peut éventuellement, faire. Voilà. Éventuellement. Bon, alors, comment ça va ? Qu'est-ce qui se passe par chez vous ? Ça va, moi, je suis en e-zone de confort, là, actuellement. Je me sens un peu comme dans un sas, mais pas dans un sas de course parisienne, hein, tu vois. Et il vaut mieux pas. Mais est-ce que tu as les mêmes, tu sais, tu as les mêmes sensations là de papillons dans le ventre et tout ça, un peu d'excitation et de... Ah, franchement, non, pas vraiment, pas. Non. Non, pas totalement. Non, franchement, pas vraiment. Pas totalement. Et toi, ça va ? Bah écoute, ça va. Je suis confinée aussi depuis aujourd'hui. Ouais. Mais on a un peu d'avance, on a plus d'expérience que toi, nous. Et nous, c'est on a ça, déjà développé des... On a déjà refait nos vies complètement, quoi. En même temps, depuis le début, vous êtes dans le turfu, comme tu dirais, Émir, par rapport ouais. à moi. Je suis toujours en retard. Exactement. Et voilà. Donc, ça y est, nous aussi, nous sommes confinés. J'ai donc le Playboy à la maison avec moi tout le temps. C'est ah mince, quoi. Il va nous parler ou pas? Peut-être, on verra. On verra s'il veut faire une apparition. Cool. Le Playboy de Jogging Bonito, on C'est verra. Vrai que les auditeurs ne le connaissent pas, mais ceux qui nous ont fait le plaisir de participer au live de l'an dernier ont pu le croiser. Puisqu'il était présent avec ouais, nous. Et puis ceux qui ont vu la vidéo du Marathon de Paris aussi. C'est vrai. Exactement. Ouais. Et ouais, donc voilà quoi. Donc, comment allez-vous ? Donc, comment ça se passe ? Comment vous vivez cette période de tumulte, un petit peu ? Toi, Émir ? Moi, franchement, là, je suis quelqu'un qui est quand même pas trop mal quand j'ai une routine sportive. Elle est solide par le fait d'être une routine. Et enfin, quand je dis routine, ça veut dire que ça veut pas dire que j'ai des séances toutes planifiées, tout machin. En général, je fais pas ça, comme certains me connaissent. Mais une routine, c'est plus une régularité pour moi. Quand j'ai une bonne grosse régularité, ça me permet de. Enfin, je développe de l'inertie autour. Pardon, on va arriver à parler. Non, je développe de l'inertie inertie. Autour de cette régularité-là. De l'inertie. Bah non, du coup, non, c'est de l'inertie dans la vie réelle, c'est ouais, pour c'est le vrai, coup. Ah ouais, c'est ouais, ouais. C'est de la vraie, c'est de l'inertie IRL, tu vois, pour le coup. In real life. Et cette inertie-là, elle me donne l'énergie, quelque part, de continuer à maintenir cette condition physique quand j'arrive à en avoir une un petit peu. Ça arrive dans la vie, de temps en temps. Et là, le fait que cette routine soit complètement perturbée, moi, je pars assez facilement dans le sens totalement inverse. Ouais. C'est-à-dire que... Je suis pas très bon en demi-mesure. Je suis pas fort du tout. Soit tout ou rien, quoi. Ouais. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et donc là, je suis un peu perturbé. Parce que j'étais dans une dynamique où je faisais plein de trucs, et on va en parler un peu après, je pense, on aura le temps. Et là, d'un coup, je ne fais quasiment plus rien. C'est dur. Ouais, très dur. Et toi, du coup, tu es en appartement, c'est ça ? Exact. Ouais. 30 square meters. Ouais. Et vous avez une petite cour, un truc comme ça, un jardin commun ou... Alors vous, c'est-à-dire Vous, les gens qui habitent autour de chez toi, Ouais, d'accord. autour. Effectivement, c'est une résidence. Donc en fait, au centre de la résidence, il y a une sorte de square avec des petits espaces verts, etc. Et d'ailleurs, pour ne pas créer tout de suite de polémique, j'ai l'impression que la résidence n'est pas considérée comme la voie publique. Du coup, il y a absolument beaucoup trop de monde dehors tout le temps. Mais bon, c'est. Ah merde. Ah ouais. Ouais. Et il y a pas une organisation type un planning avec chacun peut occuper l'espace, C'est c'est ton ça, temps voilà. de Non, dehors. quart d'heure alors, par quart pas d'heure. encore, mais Non. en revanche, juste avant de venir à l'émission, je suis allé acheter des patates avec mon attestation, bien sûr. Et c'est vraiment le cas. Hein. Je suis vraiment allé acheter avec. C'est vrai qu'il y a une case Je suis patate. revenu et je suis tombé sur une feuille en bas de en bas de mon bâtiment qui disait texto. Le syndic écrivait les mots tels quels. Cette résidence, Niquez ce vos n'est pas mères. la fête du slip. Écrit ça. Oh, Voilà, ça c'est énorme. bon C'est ça. pas vrai, ils n'ont pas écrit ça, mais c'était à peu près l'idée. Oh, j'y ai Déception, cru, je vois. moi. Déception. Ils ont pas. Ils... Ouais, déception. Je me Non, disais, c'est ça trop aurait été des. bien. Mais... En gros, c'est l'idée. Hein. C'était Mais c'est trop bien, ils fort. ont réagi. Après, au bout de quelques jours que dans la résidence. En plus, c'est arrivé en même temps que le soleil, hein, cette histoire. Donc les gens, ils se sont Ouais, dit, ah, oh, il y a le carrément, soleil, carrément. allez, Ah ouais, on il va fait beau tous en dehors. France, Et en hein? fait, bah, les gens du syndic, ils se sont dit, ouais, on va quand même leur dire un petit quelque chose au final. Faire attention quoi. Et toi David, du coup toi tu vis dans une maison Ouais, ou je vis dans une maison. t'as un J'habite un jardin? lotissement avec un petit jardin tranquille dans un quartier Ok. bien tranquille, bien calme. Mmh. Et moi je vis ça bah, pour l'instant plutôt moi en tout cas je le vis assez bien. Disons je suis Mmh. en télétravail comme beaucoup de gens. J'ai fait ma première semaine de télétravail et c'est un peu compliqué parce que bah, en même temps il y a la il faut s'occuper des enfants, T'as les voilà, il enfants? faut Ouais. les devoirs parce que il faut faire l'école. Donc on a un planning bien chargé aussi avec les enfants parce que bah, ils sont deux. Et ça nous fait quand même 2-3 heures de travail par jour. Et puis les D'accord. enseignants. Et ça se passe comment? Ouais. C'est les enseignants Ouais, qui vous donnent un bah, planning à ils faire s'adaptent, ou... hein, comme tout le Ah monde ouais. aussi. Hein, tu vois, ils se sont fait prendre de cours aussi. Et du coup, ils nous envoient au fur et à mesure du boulot. Un peu de devoir aussi. Mais le boulot, bah, ils s'adaptent. C'est-à-dire qu'ils utilisent les outils qu'ils ont à leur disposition. Parfois, c'est adapté, parfois pas. Donc, on a un accès. On a du travail enfin, comment dire, qui nous est transmis par messagerie, par les applications de profs qui vont bien maintenant. Les trucs, les gens les connaissent. Et aussi via comment on appelle ça? Bah, des solutions web, en fait. Donc on est un peu perdu avec ça, mais on fait comme on peut, on s'adapte aussi. Ils sont un peu plus tranquilles parce que tu dois renvoyer du travail. Les petits, ils disent rien, eux, tout va bien. Donc, Ouais, ça va. Et ils sont pas. Bon, en même temps, s'ils peuvent un peu sortir, si vous avez un ouais. jardin. Mais c'est pas trop difficile de rester confiné pour des enfants. Parce que déjà pour nous, je pense que c'est déjà compliqué, alors Si, pour non, les mais après, enfants. ça fait une semaine, donc pour l'instant, ça va, c'est encore un petit peu la fête du slip, comme disait Emir tout à l'heure, pour eux, donc, non, mais par contre, Ouais. c'est vrai qu'au niveau des devoirs, ben, on bosse, ils mouffent pas pour l'instant, donc ils coopèrent, et d'ailleurs, mes 2 premières journées de travail avec eux... J'ai pu me rendre compte que j'avais fini ma journée à 14h30. Alors les profs, là, vous déconnez d'habitude, hein, je vais pas dire, mais... Ouh, tu commences déjà, Non, toi, tu non, je rigole, commences je les mal. aime tellement, en fait. Ils sont nombreux dans mon entourage, quoi. Mais non, je dirais que, ouais, moi, je suis en télétravail. Et pour l'instant, ça se passe bien. Maintenant, bon, c'est encore l'incertitude, on ne sait pas combien de temps ça va durer, donc... Ouais. Donc, ouais, voilà quoi. Donc, pour répondre plus précisément à ta question, on s'adapte et donc on sort, puisqu'on a un petit jardin. On fait des choses, bon, on joue hein, avec les enfants, on prend l'air, et puis on tente de temps en temps une petite sortie à proximité de notre domicile. Donc, on suit les recommandations. Du mieux possible. J'avoue, en fait, quand c'est tombé, le dimanche où c'est tombé, comme beaucoup de gens, je me suis dit, ben, avant que ça tombe, en fait, hein, pendant la journée, il faisait beau et on s'est dit, on va sortir avec les enfants, ça va leur faire du bien, surtout si mm-hmm. on nous demande de rester longtemps à la maison. Et puis, du coup, on va aller en forêt dans un endroit où on est sûr de croiser personne. Et malheureusement, on a évité hein, des grands parcs volontairement. Et malheureusement, on est arrivé en forêt, il y avait vachement de monde, quoi. Donc, plein de monde, ouais. Tout le monde avait la même idée en même temps, j'imagine. Tout le monde, quoi. Et donc, et puis, autour de chez moi, je suis sorti un petit peu faire des petites marches. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de monde, quoi. Vraiment beaucoup de monde. Et c'est un peu drôle parce que j'habite pas en métro, enfin j'habite en métropole, c'est un peu à l'écart, mais c'est vrai que dans le quartier, tu vois, j'ai vu d'un coup des gens en skate, des gens en roller, c'était vraiment Los Angeles, mm-hmm. Venice Beach, quoi. On s'évite et tout ça, mais après, c'est vrai, il y a des vidéos qui tournent un peu sur internet où tu vois des endroits que moi je connais du côté de Lille, par exemple, où. Je sais pas, moi, si ma chef, elle voit ça, elle se dit, en sachant que j'habite la métropole de Lilloise, elle se dit, bah, tu vas vite revenir au boulot parce que les vacances, c'est pas maintenant, quoi. Donc, voilà, quoi. Bon, alors, on va continuer de discuter un petit peu de nos trois situations, mais avant ça, on a une petite surprise pour les bonitos, c'est qu'on va aussi prendre des nouvelles de nos précédents invités, et ils sont là, alors autant en profiter de suite. Alors, les bonitos, vous vous souvenez peut-être de Xavier qui avait été notre premier invité sur le Johnny Bonito, et de Jean-Yves, qui est notre dernier invité, en fait, ton premier dernier invité avec nous. Ils sont avec nous. Salut les gars. Salut Xavier. Salut Marjolaine. Ça va ? Oh bah oui, ça va. Et salut Jean-Yves. Salut Mardi, bonjour tout le monde. Bah tout va bien. Il faut quand même préciser que Xavier n'était pas le premier invité de Jogging Bonito, pardon, j'interviens. Jean-Baptiste, mais Business, mais t'as raison. Rétablir certaines choses. Oh là là. Ouais, non, merci Émir. Je suis désolée. En plus, Jean-Baptiste, on aurait pu l'inviter aussi. C'est vrai que les athlétos, on les oublie un peu vite, c'est vrai. Elle voulait peut-être dire le premier mauvais invité. Non, pas mal, ils s'autoclashent, les invités. Bah, c'est pas mal, on n'a pas c'est besoin bon. De les vanner. C'est clair. C'est la période. Par contre, moi, je crois que je suis votre premier chauve. Ah ouais, ça, c'est fort possible. Attends, laisse-moi réfléchir. C'est possible. Oui, parce que Jean-Baptiste n'était pas chauve. Il est peut-être devenu, en vrai. Ah ouais, on sait pas ça. Avec le triathlon, peut-être il s'est mis chauve. En revanche, Jean-Baptiste a aussi une minorité capillaire. Il est roux. Ah ouais. Et il est roux, c'est vrai. Ah, donc c'est notre ultime, notre pas notre... ultime, mais notre roux sûr. Voilà. On a eu un chauve, un roux. Pas Xavier, de conneries. J'ai envie de dire, c'est pas un chinois, mais presque. Hein. Xavier. Ouais, bah en ce moment, c'est, si tu veux, je suis un peu entre deux os, mais c'est pas gagné. Ouais. Bon, Xavier, toi, t'es à Paris en ce moment, toi ? Eh ben, ouais, je suis à Paris, confiné dans mon appartement de 23 mètres carrés, avec une cour un peu désertée. Donc ça, c'est ma petite chance, je peux quand même sortir un petit peu. Parce que je crois que tout l'immeuble a quitté Paris, en fait, tout simplement, ce week-end dernier. Ah, d'accord. Mais par contre, je suis malade, donc j'en profite pas des masses. Ok. Ils sont tous partis sur le bassin d'Arcachon, apparemment. Ou à Belle-Île-en-Mer. Ouais, près de la mer, ils se sont dit, ça va être cool, on peut faire des pique-niques. On va aller occuper les hôpitaux locaux. Bon, bah on espère que tu vas vite te remettre, en tout cas. Et donc, on le disait un petit peu avant l'émission, mais il est possible que tu aies attrapé le Covid-19. Ouais, comme a priori beaucoup de gens, en fait. Hein, quand voilà, tu regardes, je regarde autour de moi, je parle à ma famille, etc. Bon, par des gens qui sont quand même malades en ce moment, t'entends tousser dans l'immeuble. Mm-hmm. Et bon, il y a la grippe, normalement, c'est un peu passé là maintenant. Donc, moi, j'ai vu deux médecins, dont un en téléconsultation. Il ne faut pas oublier que si vous êtes malade, vous pouvez toujours appeler votre médecin. Et il y a des outils type Discord pour les médecins. Et les deux médecins pensent que c'est ce que j'ai. Maintenant, ça fait 9 jours que je suis malade. Ça a l'air d'aller mieux. Donc, Et je n'ai pas eu de symptômes graves. Tu vois, j'ai juste mal à la tête. Et mal de tête qui ne part pas avec les Doliprane, par contre. Ça, c'est... C'est la magie du coronavirus. Ah. Mais si, je ne sais pas si on peut rentrer dans un truc privé, au pire on coupera, mais j'avais cru comprendre que tu avais un projet à terme, je ne sais pas si on peut en parler. On peut en parler, bah, en fait, moi, honnêtement, c'est ce qui me stresse le plus, c'est ma situation professionnelle, parce que, à la rigueur, rester dans mon appart, lire et jouer à des jeux vidéo, ça, et faire de la cuisine... À la rigueur, je peux tenir le coup, tu vois, mais en fait, normalement, en mai, j'étais censé partir en Chine. Et ouais, c'est ce que je voulais avoir. Ouais, voilà, et donc là, on va dire que mon recrutement est pas gelé, mais fortement impacté, remis en cause, parce que, en plus, la situation s'inverse, c'est-à-dire que la Chine, petit à petit, là, ils vont rouvrir des trucs. Bon, c'est pas non plus gagné, tu vois, mais ça va mieux. Et nous, bah, c'est le début de la mouise, donc voilà. Mais bon, ça va, j'essaie de garder le moral. Écoute, de toute manière, je pense que pour tout le monde, on sait vraiment pas comment ça va se passer, donc il faut pas se mettre bien en tête, et puis tu verras bien comment ça se goupille, tout ça. C'est ça, le fameux « on verra ». Ouais, bah ouais, malheureusement, il faut faire... Ouais, c'est le seul moyen de continuer d'avancer un petit peu. Bah, dis-nous un peu comment tu as prévu d'occuper ce temps de confinement. Alors, il y a trois aspects. Un, c'est pas con, c'est la cuisine. Ouais. Quitte à rester chez soi et à devoir manger des trucs que tu t'achètes, je fais autant pas appel au livreur. Ouais, autant bien manger, en fait, je fais pas appel... C'est vrai, au début, je crois que le premier jour de confinement où avant le confinement, j'avais un peu abusé deux, trois fois des Deliveroo. Et puis finalement, je me suis dit, mais attends, je vais aller faire mes courses et je me fais la papote. Surtout que rien ne t'interdit de sortir acheter des fruits et des légumes, tu vois. Donc voilà, j'ai fait des courses mardi, enfin je ne sais plus, le premier jour du confinement, mardi, ouais. Et puis depuis, je fais un peu de papote. Après, j'en profite, j'ai pas mal appelé des amis ou fait des Skype. J'ai des potes qui vivent au Japon, etc. Donc... Alors, on est désolé, les bonitos, on a coupé un petit peu Xavier parce qu'on a avec nous Rémi. Salut Rémi. Salut. Et qui est, je ne sais pas si tous les bonitos le savent, mais tu es donc anesthésiste et là, en ce moment même, tu es en garde, donc tu es à l'hôpital. Oui, oui. Donc, on te prend de suite. J'ai l'impression d'être un peu sur BFM, là. Ouais, c'est vrai. Oui, alors... Alors, dites-nous tout et dites-nous comment on va s'en sortir et dites-nous si on peut sortir pour courir 20 km. Non, on va pas t'embêter avec ça. Bon, ça va, Rémi? Oui, ça va. Oui, ça va. Ça va, ça va. Comment ça se passe pour toi? Moi, ça va. Je suis personnellement en bonne santé, ouais. Ainsi que mes proches, donc tout ça est rassurant. Je vis comme vous tous au jour le jour, hein. Ici, à l'hôpital, on fait dans les mêmes journées un plan A, un plan B, un plan C. Et finalement, on est quelques heures plus tard au plan F. Et pour être demain au plan Z14, je pense. Donc, on est toujours dans la réflexion pour essayer de gagner du temps, d'être en avance sur les problèmes qui arrivent. Mais on est un peu comme une espèce de fractionné où on nous coupe le temps de récup, vous voyez. On est un peu comme ça. Mais on trouve des fois vous savez, comme quand on fait vraiment des trucs durs au seuil et tout, là, on se dit, putain, là, c'est vraiment dur. Et après, on trouve quand même un second souffle. On sait pas d'où ça vient, mais ça revient. Là, on va être... Ouais. Bon, je pense qu'on a l'habitude de quand même gérer des gros trucs. On va... Galérer. On va gérer, hein. Nous, ici, voilà. Dans le Nord, on n'est pas en saturation. C'est comme on disait tout à l'heure avec ma collègue qui nous avait transmission, disons qu'on sent les petits embruns iodés du tsunami. Ah ouais, tout à fait, c'est vrai. On a eu aujourd'hui beaucoup de mouvements. Il y a certains autres services de réanimation qui sont remplis de coronavirus, qui nous envoient ces malades pas coronavirus pour qu'on s'en occupe. Ouais. Tant qu'on essaye de sectoriser les gens. Hein. Mais on a en tête que ça va vite changer et qu'on va plus pouvoir sectoriser grand monde. Du coup, Rémi, voilà. Tu n'exerces pas du tout ton métier là en ce moment de base. Tu es complètement réquisitionné. Oui et non. Cette semaine, on avait deux collègues malades déjà dans mon service d'anesthésie de base. Donc, on a continué de maintenir l'activité des opérations qu'il fallait maintenir parce que le pronostic des gens était vraiment attaché à leur opération, en gros des cancers. Hein. Donc, toute la semaine, on fait tourner le service à 50% pour ces gens-là. Donc, j'ai fait mon métier de base cette semaine. Le week-end dernier, j'étais allé aider. Effectivement, je faisais pas mon métier. J'étais allé aider sur une consultation spéciale coronavirus, machin. Et la semaine prochaine, je vais effectivement plus faire mon métier de base pour aider les copains réanimateurs. C'est tout, on s'organise. Voilà. On sait qu'en gros, le tsunami, s'il arrive, a priori, on parle souvent d'une semaine, 10 jours et tout ça. Je vois un peu comment ça s'organise, effectivement. Et puis, du côté de chez toi, je pense qu'on a vidé aussi pas mal de... Pas là où, forcément, là où tu es, mais je crois qu'on a vidé aussi pas mal de lits enfin pour se préparer. Oui, oui, oui. On a les collègues de l'hôpital Calmette du CHU de Lille, ils ont vidé leur hôpital entièrement. C'est fou. Entièrement. Hein. Incroyable. En 2 jours. De leurs patients pour les distribuer un peu partout, les matériels spécifiques, parce qu'il y a certains services très techniques. Ils ont fait un exploit énorme. Donc il va y avoir cet hôpital qui va être dédié aux gens qui seront malades sévères, mais pas au point d'aller en réa, qui peut accueillir déjà une centaine de patients, ce qui est quand même déjà beaucoup. Hein. Voilà. Bah, c'est rassurant mais, de voir que vous arrivez à vous organiser, quoi. Entre oui, hôpitaux bah, et entre services et tout, quoi. Pour le moment, on voit pas mal de solidarité. On est beaucoup à se dire c'est fou, hein, des trucs qu'on mettait 2 ans à faire à l'hôpital. Là, vous les faites, normal, ouais, on arrive en 48 heures. Mais c'est comme quoi cette putain de bureaucratie, ces trucs conneries de management, des fois, ouais. Et les guerres de jeux politiques, c'est quand même... Bah, espérons que ça change après, justement. Que tout ça aidera à changer. Oh. Rémi, tu nous as dit un peu comment ça se passe pour toi au niveau du boulot, mais après à la maison, tout ça, tout le monde va bien, tout le monde s'adapte. Qu'est-ce que vous faites un petit peu pour vous occuper, pour vous changer les idées et puis passer le temps, quoi. Moi, j'ai travaillé plus que d'habitude, alors j'ai fait. C'est ma femme qui gère tout, hein. Elle est très courageuse aussi de son côté. Tout à fait. Son activité d'indépendante est arrêtée avec les conséquences financières majeures que tout le monde connaît à droite à gauche. Donc les enfants font l'école à la maison, tout ça. Bah, ils font l'école, bon, on va monter d'un cran la semaine prochaine, parce que pour le moment, elle essaie de gérer ses problèmes d'indépendante, et je pense que elle a fait un peu la maîtresse d'école, mais pas beaucoup. Ouais. Mais je peux rien lui reprocher. Elle gère à fond déjà. Pendant qu'ici, nous, on est inspiré dans des réunions et des plans sur la comète. Voilà, non, sinon, bah, j'ai fait un petit sportif du home trainer. J'en ai fait très tôt le matin, parce que j'étais réveillé à cause du stress. Moi, franchement, le sport n'a pour vertu là vraiment que de me défouler. Hein. Ça me aussi, je suis content de continuer à faire du sport parce que ça me prouve que il y a un espoir de que le monde continue, quoi. C'est pas l'apocalypse qui approche. J'utilise souvent cette notion avec des gens qui vont mal, qui disent je suis foutu docteur, machin, je sais pas quoi, et je leur demande où est-ce qu'ils ont prévu d'aller en vacances dans 2 mois. Et il y en a quand même plein qui ont une réponse, donc quand ils me donnent leur réponse, je leur rétorque, bah, vous voyez, vous n'avez pas prévu de mourir alors. Et une fois de temps en temps, ça leur fait faire tilt. Donc je continue le sport aussi en m'auto-persuadant que j'ai que ça continue derrière. Derrière, c'est une bonne vision. Voilà. Et vous, ça va? Vous tenez le moment? Oui, vous courez sur place? Salut ma belle. Moi, je dis au revoir à mes enfants en direct. Hein. Il est tard, mais ils ont eu une permission. Vas-y. Ils ont permission de venir sur Jogging Bonito. Pas venir chez Jogging Bonito, mais bonne nuit. Tu veux dire bonne nuit au micro? Non, il a dit non. Oh, c'est dommage. Bonne nuit. Salut les enfants. Est-ce que tu veux nous conseiller des trucs à faire un petit peu pendant cette période de confinement? Tu nous as parlé de faire du sport, Très bien. Est-ce que tu... T'as ah, moi, si je devais rester chez moi, j'aurais mis d'idées de trucs à faire. Hein. Ouais. Mais tu n'y es pas. Je ne suis pas du tout. Si, j'ai quand même... J'ai pour par solidarité pour tous les gens qui font des trucs à la maison, j'ai ressorti une vieille BD, j'ai ressorti Akira. Ah. Je vais pas bien me retaper. J'ai des copains qui se lancent dans Marcel Proust, je ne conseille pas. Mais... c'est un beau défi. truc mi-sympa, mi-corona. Alors, j'essaye quand même d'écrire un peu mais un mini-journal plus ou moins long de ce qui se passe au jour le jour, parce que c'est un truc exceptionnel qu'on ouais, dit. Ouais, c'est vrai, exactement. Et je pense que si, ne serait-ce que dans quelques mois, on relire ça, on sera « Ah oui, c'est vrai, c'était ça », et dans 10 ans, n'en parlons pas. Mm-hmm. Garder une trace, parce que je pense que c'est vraiment... C'est juste un bouleversement qui arrive sur le monde entier, et sur notre vie, en tout cas. Les trucs cool, je suis bien d'accord avec Xavier, que moi, je cuisinerais bien beaucoup plus, hein, si j'étais à la maison. Parce qu'il y a moyen de faire des bons desserts. Ça fait toujours d'avoir des bonnes pâtisseries. Ça réconforte. Ça remet toujours du baume au cœur. Oui, ça, je ne sais pas si c'est très français. Je pense que les Italiens, ils doivent bien cuisiner aussi à leur maison. Mais ouais, ça réconforte. Après, je reste sur mon quota Dr Boy Scout. Hein. N'en profitez pas pour faire n'importe quoi, pour picoler comme des trous ou décompenser sur les chips. Hein, ou, parce qu'en plus, si vous picolez et que vous bricolez, vous risquez de vous blesser. Et après on ça, a eu recrudescence d'accidents domestiques aussi, aux urges. Oui, ou des enfants, des accidents d'enfants notamment. Parce qu'ils sont à la maison, dans les pattes, ou pas surveillés. Ou... Et donc, c'est possible. Statistiquement significatif, mais mes collègues m'ont rapporté cette semaine plein d'histoire glauque. Ah. Ouais. Donc surveillez quand même vos enfants. Netflix ne fait pas tout le job. C'est clair. Ah ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Oh bah tu sais, plus on cause avec tout le monde, plus on se rend compte que chacun a des problèmes complètement. J'ai un copain qui a des abeilles, il peut pas aller les chercher. Vous voyez un peu le truc. Il est apiculteur amateur se professionnalisant. Et ben il peut pas aller chercher ses abeilles. C'est fou. C'est là qu'on se rend compte des trucs. Il y a un millier de trucs. J'ai des copains dans la justice, ils ont énormément de problématiques de gestion de détenus. Ah oui, ça aussi, c'est un gros problème, à mon avis. Ouais. Bref, donc, si revenons au truc cool, voilà, si vous aviez du papier peint à faire, c'est le moment. Vous pouvez détapisser. Vous pouvez détapisser, hein, c'est une éponge de l'eau chaude, faire des trucs rustiques. J'aimerais bien, si j'étais coincé à ma maison, enfin méditer, là, vous avez... Ah, y a plein de... C'est une velléité que j'ai depuis des années. Ah, puis il y a plein d'applications qui sont gratuites, là, justement, pour ça. Enfin, je ne sais pas si c'est le cas pour vous aussi, mais aux États-Unis, il y en a pas mal qui se mettent en gratuit. Sûrement. Pour aider les gens. Qu'est-ce que je ferais ? Ouais, je pourrais me refaire l'intégrale des Rocky sur le home trainer. Hein. Ah ouais. Ça passe toujours bien. Le 2 ou le 3 ? Le 1, le 2. Allez, le 1 et le 2, c'est quand même bien aussi. Le 4, le 4 et le 4. Le 1, il est long. Hein. Le 1, il est long. Hein. Le 1, mais ouais, moi, c'est celui avec Drago qui m'a le plus marqué quand j'étais le 3. C'est le 3. C'est le 4. Le 4, Drago. Parce que évidemment quand il s'entraîne avec toutes les électrodes et tout ça, il se pique là et tout. Ça a allumé un gène en moi, ouais, tout ce truc. S'il meurt, il meurt. Ouais, ouais. Okay. If he dies, he dies. Donc ça, c'était une petite aparté pour les fans de Rocky. Allez, on se fait des Rocky. Cool. Mais voilà quoi. Bon, moi, j'ai presque envie que chacun vous nous donniez une recette, parce que tu vois, Rémi, tu parles de recettes, Xavier nous a parlé de recettes, on va faire un livret de recettes pour les bonitos. Ah ben non, j'ai les cookies, je les connais par cœur. Prenez vos stylos. C'est parti. Alors, je vous donne ma recette de cookies et après je finis mon tour. Xavier, tiens-toi bien, tu nous rendras ta recette après. Donc, 220 grammes de beurre demi-sel. Ok. Ah ouais, bon, ça déjà, c'est pas... Ou du beurre. Du beurre. Ah, bah... Moi, pour les bon, vas-y, allez, pour les non-véganes, c'est pas grave. On t'en veut pas. Émir, c'est bon, on autorise. 200 grammes de sucre type cassonade, ou en tout cas du sucre roux, un peu épais, voilà. 180 grammes de sucre fin normal, 10 grammes de gros sel, 5 grammes de bicarbonate de sodium, tout ça vous... You mix, three times. Tac. Then you put two eggs. Two eggs. Yes. Un peu d'extrait de vanille. Très important, ouais, toujours. C'est bon ça. Pépites de then, chocolat, non? Ah non, just after. Okay. Donc là, on a switché first en anglais floor. Pour... On a 400 grammes de farine. En roue libre. Oh là, ouais, c'est, ouais. Il faut suivre, c'est comme ça. 400 grammes de flour. Ok. Walnut ou... 400 grammes de farine blanche, de la T65. Okay. Du 300 grammes de chocolat. Chocolate chip, 300 grammes. Pas mal. Ça y est, là, on parle, on discute là. Mais prenez du chocolat au lait, hein. Faut un chocolat un peu sucré. Ah, c'est gourmand. Mais bon. Ouais, mais si. Ah, j'ai essayé plein de fois. Faut prendre du chocolat. Chocolat, dessert, bon. Lait. Il y a déjà 800 grammes de sucre dans ta recette. Oui, mais c'est pas grave. Ça fait une vingtaine de cookies à 300 calories chacun. Ouais, écoute, ça on s'en fiche. On sait pas ce qui va se passer demain. Ouais. Bon, alors, mes petits cantons, vous allez arrêter. Et encore, voilà, il a retiré. Le canton, vous allez arrêter de me faire chier et moi je suis maïté. Et encore, la il a reine du cookie. Maïté du grand test. Et encore, voilà, il a retiré les 300 grammes de bœuf là. Ça va. De gras de bœuf, on les enlève. On les met pour plus tard, on les réserve. Et vous chips, et donc on peut mettre là-dessus 200. Allez, un bon 200 grammes de noix. Ah, et de la noix. Si vous êtes franco-français. Ou un peu de noix de pécan si vous êtes américain, parce que là-bas ça coûte moins cher. Oh ouais, c'est vrai en plus. Et je savais pas qu'il était doué en accent. Trop bon. Ensuite, vous mixez bien tout pour avoir une bonne pâte à cookies. Là, c'est l'accent, l'accent bruxellois. Vous devez vraiment y aller. Attends, mais on a un bruxellois. Ça colle aux mains. Ouais, on va dire. Tu valides, Jean-Yves, l'accent bruxellois? Non. non, carrément. Non, donc, ça a été au moins très. Voilà, Jean-Yves qui nous casse notre. Donc là, vous avez votre bonne. Vous avez toute la pâte à cookies. Ok. Hein. Et ensuite, vous mettez bien sur votre plaque avec un film sulfure. Hein. Faites 6 boules. Un petit abricot. 6 boules, abricot, bien réparti régulièrement. Oh, c'est pas mal quand même l'accent, j'aime bien moi. Ça va. Ça fait un peu Francis Starlet. Oh, qu'est-ce que tu me chantes? Oh. Et là, Google, tu le mets au four. Oh. Marseille. Écoute-moi, Ange. Ah non, Ange, oui, Van de Ville. Oui. Oh. D'accord. Ça... Au four. Ok. Doumé. 180 degrés, 13 minutes. Ok, 13 minutes, pas une de plus. Non. Et ensuite hein... Tu recommences. Une autre tournée. Et pour les sortir quand ils sont doucement. Encore un petit peu mous, ou il faut qu'ils soient... Comment tu les bien aimes sûr, 13 minutes. Dépend, 13 minutes. Oh, tu m'écoutes, oh, la parisienne. Oh 13 minutes. Ne m'insulte pas, je ne suis pas une parisienne, s'il te plaît. Oh, tu es au nord de Calvi, c'est pareil. C'est pareil. Oh. Voilà. Ok, ouais. Mais écoute, et donc... C'est très bon. Bon, c'est pas vegan, désolé. Ouais, bon, c'est on pas grave. On n'abusera pas en non plus, parce autre, que hein. Confiné à manger ça, bon, on évite d'en abuser. un par ah, faut faire des... Bah, y a le home derrière, voilà, home trainer, 50 burpees. Et ouais, non, bon. Mais on a des trucs, on donnera des trucs au Bonito, parce que moi, j'ai découvert des trucs super pour faire du sport chez soi. Les burpees, tout ça, ma passion. Ah. Excellent. Sur ce, j'écouterai le je suis pardonné auprès de Xavier d'avoir coupé et ouais. J'écouterai l'épisode sur le home trainer prochainement. Voilà, ouais, tu nous as coupé Xavier, mais c'est parce qu'on s'est dit là, hop, là, il y a Rémi qui arrive, il faut vraiment qu'on lui parle de suite avant qu'il ait une urgence. Ouais. Ok, bah, cool. Écoute, merci beaucoup, Rémi. Merci d'être venu nous parler un petit peu. Et puis bon courage. De rien, hein. Je vous fais des bises. Hein. Et puis merci pour des cookies, on t'en dira des nouvelles. Enfin, les Bonitos t'en diront des nouvelles. Ouais, sinon, vous faites sur Google cookies chef step et vous aurez la vraie recette. Non, la recette là, c'est la tienne. On se dit, c'est ça. Dans notre... Bon, j'ai quand même pompé sur chef step. Faut pas le dire. Mais elle est très bonne. Ok. Bon, bah, allez, bisous. Beko, main gros. Ciao, ciao. Beko, main copain. Salut, hein. Salut. Salut, gros. Salut, Bilouit. Allez, bye. Bye. Ciao. Et du coup, Xavier, maintenant, j'espère que t'as la pression parce que t'es prêt à nous donner une recette aussi, là. En plus, j'entendais sonner derrière lui et je me disais, c'est la chambre 106 qui sonne, tu sais, genre. Ah bah, ça sonne plus, c'est plus trop urgent. Ah, c'est les 13 minutes du cookies. Ah non. Ouais, non, mais comme quoi la cuisine, c'est un bon, bon tuyau. Ça revient pour tout le monde, ouais. C'est un bon tuyau. Mais alors, moi, je fais pas de cookies, je fais du. Alors, c'est pas vegan et en plus, c'est pas halal, c'est du porc au caramel, en gros. Ah, bah ouais. Donc là, c'est un peu riche, quoi. C'est si vous faites un peu de sport dans votre cours, parce que sinon, je pense qu'au bout de... au bout de 2 semaines, 3 semaines, là, 6 semaines, on peut pas. Autour en de la trop. Table du salon, tu tournes, hein, sinon. Ouais, non, mais je peux. J'en fais des petites portions, ça fait 2-3 repas, tu vois. Voilà. Ok. Donc, je sais pas si je donne la recette. Hein. C'est un peu long quand même. Écoute, je sais pas. Ouais, non, mais comme vous voulez. Hein. On la laissera en commentaire. Ouais, dans, ouais. En description de l'épisode. Ce serait bon, ça. Si chacun en a une recette, ça serait on que ça en fait. Commentaire pour les bonitos. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est le porc au caramel. On peut faire un truc comme ça. On va faire un menu en fait. Moi, je donnerai des biscuits parce que c'est ma passion, mais vegan, hein, bien évidemment. Attention, on rigole pas. Émir ? Qu'est-ce que tu en penses ? Bah oui, quand même. Oui. Ouais, un peu de mince, quoi. Bon, très bien. Et du coup, à part cuisiner, Xavier, tu fais quoi d'autre ? Donc, il y a bah, le fait, c'est con, mais d'appeler ses potes. Donc, je sais que par exemple, j'ai un de mes frères que je vois pas trop d'habitude alors qu'il habite à 15 minutes de chez moi à pied. Et en fait, là, on ne s'est jamais autant appelé, tu vois. Donc, il y a aussi ce côté-là qui peut être pas mal, hein, de se rapprocher, de papoter. Moi, j'ai des potes qui vivent... Enfin, j'ai un pote surtout qui vit au Japon, à Osaka. Alors, ils ne sont pas confinés exactement de la même manière que nous, parce que je crois qu'ils ont le droit d'aller au resto, etc. Mais bon, on s'est fait un Skype de 3 heures l'autre fois, tu sais, avec les enfants et tout. C'était plutôt rigolo. Ensuite, bah, je lis. Alors au début, comme j'avais pas mal mal à la tête, j'avais du mal. Mais alors la recherche du temps perdu, par contre, c'est pas forcément une bonne idée, effectivement. C'est pas une bonne idée. Enfin, je sais pas. En tout cas, ça prend plus que 6 semaines hein, à finir. Ouais. Bah après, t'es pas non plus obligé de te lancer dans du Émile Zola, quoi. Ouais. Si, si tu veux pas te plomber, quoi. Enfin, en tout cas, parce que la moi peste. J'ai une. La peste de Camus. Ouais. Ah, mais ça, oui, tu peux. Non, là, je suis dans la SF c'est et l'année donc, en plus. Un roman, un des 4 romans classiques chinois, c'est un peu du Tigre et Dragon, si tu veux, en Oula, roman. Ouais. Mais c'est, en fait, c'est copieux, hein, c'est très très long. Ah bah, tu m'étonnes, ouais. Mais c'est très bon, sympa, ça s'appelle. Si celui-ci jamais ça continue, pardon. T'es tranquille, t'as la suite à lire derrière. Il y en a 2, il y a 2 gros volumes, ça s'appelle Au bord de l'eau. C'est un okay. Très très beau roman. Donc ça, ce sera pour les livres. Putain, on va avoir trop de trucs à faire dans les commentaires, dans la description. On va devoir faire hop, cuisine, livre, c'est bon ça, on a plein de trucs pour nos bonitos. Ouais, sport là, je suis pas très bon là, en ce moment, j'attends de plus. En plus que tu t'étais bien mis à courir, il faut le dire à nos bonitos, depuis le temps qu'on t'a pas eu. Ouais, je m'étais habitué à régulariser, on va dire, ma pratique. En plus, dans un mouvement spirituel, non, sans aller jusque-là. En tout cas, je débranchais, j'ai mis de côté tout ce qui est application... bracelet connecté, etc. Et en fait, je cours en mode je m'en bats la race, je cours pour moi et j'ai pas besoin de poster toutes mes. Tu t'en bats la race. Screenshots. Voilà bah, alors là, on a Xavier. Quand même en short court et en débardeur. Hein. Qu'est-ce qu'il y a ? Quand même en short court et en débardeur, hein, quand même, je suis sûr, non ? Non, j'ai pas vraiment. En petit truc Kalenji là. Ouais, c'est ça. Okay, allez, voilà. Tu fais pas la mode 80, quoi, avec le petit bandeau et tout. Moi, c'est un peu du fluo, du gris, bah, c'est du ça, rouge, voilà. Du jaune fluo. Et voilà, et, c'est ça, on est bon. Et en plus, mes chaussures, c'est des... Comment ça des Oka. Non, ouais, voilà, des c'est Oka. Ça. Et elles sont bien fluo, bien flashy. Bah oui. Voilà. C'est des... On appelle ça des buffalo. C'est des buffalo, en fait, avec des grosses semelles. Bon, et pour continuer, parce que là, attendez, donc on a les biscuits, on a les cookies, on a le canard, non, c'est quoi le du porc caramel de Xavier. Et on a quand même Jean-Yves qui est avec nous, qui nous propose une recette de... pour l'apéro, lui. Ouais. Jean-Yves. Moi, je peux vous donner, c'est la recette ancestrale et familiale du sirop de canne pour faire le petit punch. Ouh, c'est bon ça. C'est tout simple. Donc en gros, c'est vous prenez 4-5 clous de girofle, 3 bâtons de cannelle, un quart de muscade râpée. Un quart râpée. De noix de muscade. Tu la connais ? Comment tu la connais ? 250 grammes de sucre de canne et 500 ml d'eau et 2 gousses de vanille, pas 2 gousses d'ail. D'ail ? Ah, pourquoi pas, tenter. Tu peux essayer, ça va te... Et en fait, tu mélanges le tout dans une casserole. Avec 500 ml d'eau, c'était ça. Tu portes à ébullition, et une fois que c'est à ébullition, tu mets à feu très doux pendant 40 minutes. Et puis après, tu laisses, une fois que ça c'est fait, tu coupes, tu laisses refroidir, et puis après, tu transvases l'intégralité des trucs dans une bouteille que tu peux garder au frais pendant 6 mois, 1 an. Et donc, il faut tout mettre dedans, après les gousses de vanille, la cannelle, etc. Et puis. Tu laisses infuser, quoi. Ouais, et tu laisses infuser, et puis. La dose, tu prends on va dire une dose de sirop de canne pour 3 doses de rhum et avec du citron vert ou du combava. C'est très très bon. Ah, et du coup, tu peux utiliser ce sirop pour faire aussi d'autres. Moi, je l'utilise pour. Poissons, pas forcément. Mais moi, je l'utilise en fait pour aromatiser quand je fais de la tarte aux pommes. Ah ouais, ça doit être trop bon ça, punaise, c'est bon ça. Oui, et je l'ai... Ah bah on aura pour notre dessert en plus, c'est bon. Ouais, et puis, et en fait, moi j'en donne aussi aux gamins, au lieu de prendre du sirop, de grenadier, ah ouais, des trucs comme ça. Sirop d'aimante, donc c'est ça que je mets avec de l'eau, comme ça il fait le petit punch avec nous, mais le virgin petit punch quand on fait l'apéro à la maison. Ah mais c'est super ça, parfait. Voilà. Bon alors, j'ai envie de dire également aux Bonito qu'on a une autre invitée qui nous a rejoint. C'est Hélène. Et du coup, Hélène, ouais. J'espère que tu as la pression là, parce qu'on a l'apéro, on a le plat de principal, on a les cookies. Et du coup, on t'attend pour l'entrée là, non, c'est ça? Il nous manque ça. Ah oui, alors j'ai une super. Ça va. Salut Hélène déjà. Salut. Ça va? Ouais. Non, en recette, je peux pas vous proposer grand chose d'intéressant parce qu'en fait, quand je rentre chez moi après le travail, je suis tellement explosée que je fais n'importe quoi. La dernière fois, j'ai voulu faire une petite soupe de butternut, lait de coco, coriandre. Ça s'est retransformé en une espèce de purée parce que j'ai fait n'importe quoi avec c'est les proportions. C'est pas grave, ça sera l'accompagnement du voilà. Porc. Non, ça y est, je sais plus ce que c'est. Je sais pas. Au caramel, si porc. Du porc au caramel. Voilà. On fera une petite purée. Bon, ben Hélène, merci d'être avec comment ça va aussi. Hélène ça va bah écoute ça va. Il faut on dit à nos auditeurs également que tu travailles dans le milieu hospitalier mais absolument. Du côté administratif c'est ça. Alors en principe côté administratif mais là vu la situation je suis je soigne personne parce que je suis ni médecin ni infirmière voilà mais je cours pas mal dans les services et je fais des choses très très opérationnelles pour soulager le personnel soignant au maximum donc je suis multitâche en ce moment voilà. Ok. Donc comme Rémi tu es plutôt dans le rush que dans la gestion du temps libre quoi. Absolument. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que tu as envie de nous partager un petit peu ton état d'esprit en ce moment sur cette gestion de crise, on va dire, ou en tout cas d'un point de vue personnel, quoi ? D'un point de vue personnel, en fait, tout ce que je vis en ce moment, j'ai l'impression que c'est irréel, alors qu'en fait, ça l'est énormément. Et en fait, je suis dans un monde parallèle. Je suis le nez dans le guidon. Et heureusement que je vais au travail à vélo pour m'ancrer un peu dans autre chose que le nez dans le guidon à l'hôpital. Voilà. Donc, mon état d'esprit, c'est je suis le nez dans le guidon toute la journée. Et quand j'arrive à la maison, c'est... On lâche tout. Déjà, pour rentrer chez toi, t'as aussi le nez dans le guidon. Ah, oh, joli. C'est beau. Merci, David. Si je peux me permettre d'ajouter un petit peu de poésie à ce moment. Absolument. Bon, et donc, et comment t'as prévu un petit peu d'occuper ton temps libre ? Est-ce que tu travailles ce week-end ? Est-ce que tu vas pouvoir un petit peu te reposer, penser à autre chose, faire des choses que t'aimes ? On en a déjà parlé un petit peu en privé, mais Préparer tes petites cartes, tes futurs itinéraires. Bah, je t'avoue que j'ai seulement réalisé ce soir que c'était vraiment le week-end. Ouais. Et donc, je vais théoriquement pas travailler ce week-end. Cependant, on m'a demandé de regarder mes mails régulièrement et de garder mon téléphone allumé. Et vu que je suis à vélo pas loin, si jamais il y avait un problème et qu'ils avaient besoin de moi sur place, je me déplacerai. Voilà, mais sinon, j'ai prévu de faire mes prochains itinéraires vélo notamment, parce que ça, c'est des choses que j'aime bien faire et qui prennent beaucoup de temps et qui se font assis devant un ordinateur et on s'évade. Moi, je trouve qu'on s'évade en faisant ces itinéraires à venir. C'est-à-dire que je branche Google Maps. Tu te projettes comme dirait Stéphane Plaza. Pardon. Ah oui, Stéphane. J'ai déjà acheté un appartement, David. J'ai plus besoin de Stéphane Plaza. Pardon. Donc, en fait, je prévois mes itinéraires vélo et ça ne me dérange pas du tout d'aller sur Google Street View et de faire à l'avance mes itinéraires. Je trouve justement ça me permet de mieux en profiter quand je les fais pour de vrai. Mm-hmm. Voilà, c'est un peu paradoxal. Je fais pareil aussi. Enfin, pour les runs et pour les vélos, j'aime bien... Ouais, et en plus, comme ça, tu vois, j'aime bien voir la vision cartographique avant d'être sur les lieux, ça m'aide. C'est plus facile, ouais, exactement. Voilà, et en plus, je fais partie de ces personnes qui, pendant qu'elles sont en train de regarder une série, j'ai le téléphone branché sur le résumé de l'épisode que je suis en train de regarder, ça me dérange pas du tout de connaître la fin avant de l'avoir vu. Tu vois, donc préparer mes sorties vélo à l'avance, c'est pas comme si je gâchais un truc, j'arrive à conserver ce petit côté aventure et découverte. Quand bien même, j'ai préparé à l'avance mon itinéraire parce que j'arrive toujours à me perdre ou à faire n'importe quoi. Ah bah oui, d'accord. Et voilà, et avoir une vision cartographique à l'avance, aussi je repère les points d'intérêt. Si je vois qu'il y a une rivière qui passe à côté de mon itinéraire, je regarde combien de temps ça me prend pour faire un petit détour, s'il y a une petite église romane, un petit truc, enfin bref. Et puis aussi regarder s'il y a des lignes de train, si jamais j'ai un gros problème pour rentrer à la maison. Le côté logistique, ouais. Absolument. Donc voilà, je pense que je vais faire ça ce week-end du côté en Bourgogne. Voilà, je vais essayer de me faire un petit... Mon objectif, c'est de faire 200 km de vélo quand je serai réentraînée et que je le sentirai. Et c'est un truc qu'il faut que je prépare et donc voir jusqu'où je peux aller. Et je pense que je vais aller vers en Bourgogne. Tu vas rêver en te préparant ça, voilà. Voilà, exactement. C'est cool. Bah, d'ailleurs, ça fait un peu penser à ce que nous a dit Rémi juste avant, qui continuait le sport pour... ça te fait penser à continuer derrière, quoi. Exactement. Et en fait, ça me projette dans le sport, l'activité physique plaisir, parce que là, je t'avoue que pendant ma semaine, je ne suis pas du tout inactive, c'est-à-dire que je ne sais pas à combien de pas j'en suis par jour. Sachant que dans notre hôpital, comme dans beaucoup d'hôpitaux, les ascenseurs ne sont pas très efficients. Du coup, je préfère les escaliers. Et on a 11 étages. Au moins, tu continues le sport un petit peu. Question. Alors, je dirais pas le sport, je dirais l'activité physique. Exactement. Voilà. Donc, j'ai une activité physique très intense, ce qui fait que quand je prends mon vélo le soir pour rentrer chez moi, même si ce ne sont que 5 km, je suis crevée, physiquement fatiguée. Donc, j'entretiens une activité physique, mais j'ai envie de me projeter dans le sport choisi, vraiment que j'ai envie de faire avec de l'évasion et tout ça. Et je fantasme sur ma prochaine sortie vélo et voilà. Bon, et on a tous nos invités avec nous en même temps. Et Jean-Yves, tu voulais dire quelque chose à Hélène ? Oui, en fait, c'est... Demander quelque chose. Oui, parce que, en fait, moi, j'aime beaucoup sa planification des trucs comme ça et tout. Et moi, en fait, depuis que je la suis, finalement, c'est quelque chose qui m'intéresse de faire aussi. Des trajets comme ça, un peu plus en vélo. Et c'est juste que, dernièrement, quand on pouvait encore sortir, j'ai pris mon vélo et j'en ai un peu marre de crever. Et c'était juste pour avoir son point de vue sur tout ce qui est tubeless. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Parce que ça coûte un peu un bras. Bonne question. Elle va pas te dire oui, moi je peux répondre à ta place si tu veux. Je vais t'orienter vers des spécialistes. En fait, le vélo, je ne suis pas une très bonne technicienne. J'apprends sur le tas en ayant des problèmes. Et vu que je n'ai jamais eu de tubeless... Mais c'est comme ça qu'on apprend, non? Oui, mais le tubeless, ça coûte trop cher pour passer juste dessus pour avoir des problèmes et savoir si c'est bien ou pas. Ouais, ben c'est ça. C'est donc, pour ça que j'essaye d'avoir des avis parce que, ouais, c'est... Moi, tu sais, j'ai grandi avec un papa bricoleur. Et donc, la chambre à air, c'est la base de tout le bricolage sur la Terre. Donc, je pense que... Je pense que personnellement, moi, je resterai en chambre à air, mais parce que les chambres à air, c'est un matériau de base très important. Mais concernant le tubeless, je t'orienterai plutôt vers un spécialiste. Ça voilà. va. Que je ne suis bah, pas. Parce qu'il faut quand même dire que Hélène, c'est sa passion, c'est les problèmes du bricolage. c'est ça, quoi. C'est un problème est-ce à vélo. Est-ce que c'est ta passion vraiment, Hélène, ou c'est juste alors, parce non, que... Non, non, non, David, ce n'est pas ma passion, mais j'essaye de voir du positif dans chaque épreuve que la vie me fait subir. Que la vie cycliste... Absolument. Tu aimes mon positivisme, j'espère. Oui, oui, tout à fait. On en fera une phrase de motivation sur Instagram. Ouais, est-ce que tu peux mettre une image d'un empilement de cailloux zen derrière en fond? Ah, ça ouais. me ferait vraiment c'est clair, voilà. C'est clair. J'ai ça, moi. Bon, on n'entend pas, on n'a pas beaucoup entendu Emir quand même. Hein. Il doit être en train de manger ses pommes de terre. Est-ce qu'on l'a dit au Bonito qu'il était en train de faire ses pommes non, de terre? Je non, sais pas. Je suis là en fait. Non, on attend ta recette de pommes de terre, de patates ouais. à l'eau. Ah ouais, ouais, non, parce que c'est la bonne recette, là, les Bonito, je pense que vous avez tout ce qu'il vous faut, peut-être pas, s'ils n'ont pas trouvé les pommes de terre. Oh, attends, il y a pénurie de patates, après le PQ et les pâtes. Ah, mais j'allais le dire, ouais. moi, pénurie ouais. de pommes de terre chez moi, je vous le dis, en Californie, il n'y a plus de pommes de terre. Mais c'est ouais, un truc de fou. Moi, j'ai vu la pénurie de pain de mie avant la pénurie de patates. Hein. Je sais pas pour vous, mais... Ah ouais, t'as pas vu la pénurie. Bah, tu m'en enverras parce que. Alors, moi je vais pas. Vous dire un truc. Si à cause de ça, on est obligé de fermer les friteries en Belgique, c'est un scandale, je pète tout. ouais. Et oui, Jean-Yves, t'es en Belgique, toi, on t'a même pas demandé comment ça se passe en Belgique. Vous êtes confinés. On est confinés aussi. Grosso modo, je pense que c'est un peu la même chose qu'en France, sauf qu'ils nous laissent encore l'autorisation de faire de la pratique sportive et pas forcément que dans notre voisinage. Donc j'ai vu ah, donc okay. voilà moi par contre après ces restrictions faut être en mode tout seul essayer d'éviter les parcs parce que on voit quand même certaines images où les gens ouais ils se réunissent tous aux mêmes endroits donc tu vois des endroits qui étaient un peu anonymes deviennent Disneyland donc voilà après bon moi je suis quasi pas sorti depuis on va dire 8 jours tout simplement parce que mon petit était malade et donc on a appelé chez le médecin et ils nous ont dit ouf ben vous allez rester chez vous en quarantaine ah ouais. le temps que bah de s'assurer que tout aille bien etc donc voilà mais voilà sinon on nous interdit pas en soi d'aller faire du sport en solo dehors on vous a pas comment obligé quoi, à rester confiné chez vous totalement en fait. Si, par contre, ils te disent que tu restes chez soi au maximum, etc. Tous les magasins hors magasins de première nécessité sont fermés. Okay. Et puis, ouais, les gens restent chez soi. Après, ben voilà, comme je te dis, je ne suis pas beaucoup sorti, donc je n'ai pas trop de vue comment ça se passe. Ouais. Et puis je me coupe un peu aussi des informations parce que c'est... Ouais, toi tu préfères te couper un petit peu de tout ça. C'est pas que... En fait, j'essaye de prendre assez de recul. Bah, déjà, je me suis concentré pendant une semaine sur mon gamin en priorité mm-hmm. pour poursuivre comment ça se passait par rapport à lui. Et il va très bien. Hein. Voilà, si des gens ou jamais se posent la question, mais donc voilà, je me suis plus concentré là-dessus. J'ai juste vu et entendu tout ce qui est histoire aux alentours de tout ce qui est PQ, tout ce qui est la razzia sur les pattes et tout. J'ai pas compris, enfin voilà, j'ai pas compris. Oui, moi non plus, je ne comprends pas ça. Et, surtout le papier toilette d'ailleurs. Tiens, si vous avez vous comprenez apparemment, pourquoi le papier toilette. Pourquoi c'est un truc essentiel? Mais moi j'ai l'impression que c'est si jamais il y a un souci, si on n'a plus de papier toilette, il y a d'autres moyens. Ouais, quoi, je veux dire, on a des gants de toilette. Il y a de l'eau. C'est pas un problème. Après. Ouais, il y a de l'eau, tu peux te nettoyer. Apparemment, de ce que j'ai l'impression de voir sur Instagram, les gens ils font des concours pour savoir celui qui jongle le mieux avec du PQ. J'ai l'impression. C'est ça, ouais, exactement. Ah. Je pense que c'est plutôt à cause de ça. Ouais, ouais. Voilà. Après, enfin, tu vois, c'est ce que je disais entre guillemets en rigolant. Les gens ont pris beaucoup de riz, etc. Mais s'ils bouffent beaucoup de riz, le PQ, ils en ont pas besoin. Exactement. C'est vrai, c'est toi qui avais mis ça sur Instagram, ouais. Ah, c'est très bon. Moi, n'empêche, je suis très preneur de la vraie réponse du pourquoi le PQ. Hein, parce que franchement, on est, on est beaucoup. Aussi, hein. On est vraiment beaucoup. Moi, j'ai ma petite idée. Ouais, vas-y, donne. Parce que vraiment, il y a dans mon entourage, on se dit, mais c'est vas-y, les théories, allez-y. La théorie, ça n'en est pas une. Hein. C'est juste très simple. Tu veux pas être dans la merde. Que c'est un truc. Voilà, exactement. Ah ouais, je l'allais dire. Et puis les gens ont décidé que... C'est ça. C'est que, comme énormément de produits risquent selon eux, dans leur petit, dans leur tête, de manquer, ils se disent on va user ce truc-là jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, avant de recourir à la solution que préconise Margie, à savoir le gant de toilette et l'eau. Quoi. Par contre, j'ai une question, c'est qu'il y a un truc qu'on a remarqué, c'est... Ouais, Donc, en gros, ça fait plus ou moins une semaine qu'on est enfermé, etc. Donc, on fait un peu moins de sport ou des choses que ça qu'on a l'habitude de faire, en tout cas. Mm-hmm. Mais avec ma femme, nous, on a perdu 2 kilos. Ah ouais ? Mais si vous étiez... Non, vous étiez pas malade, bah, le petit frère était malade ? Ouais, moi, non. Moi, ma femme a eu un petit 2 jours où elle était un peu fatiguée, etc. Mais pas énorme chose, mais pourtant non, en plus on mange bien quoi. Mais justement peut-être parce que tu manges bien que tu prends le temps de savourer ce que tu as cuisiné, que tu manges possible. et que donc tu manges moins stressé quoi. Voilà et peut-être que je sais pas. Par contre moi en tout cas nous à la maison ça nous fait du bien. Sérieusement, ouais. Après, je sais pas si ça dure encore pendant un mois. On va peut-être se taper sur la tronche, hein, j'en sais rien. Tu diras plus ça. mais en tout cas, là, c'est plutôt. L'ambiance est plutôt zen. On passe fois, c'est plutôt rigolo. Ça fait un peu vacances. Ouais, c'est bien de parler des points positifs aussi. C'est vrai, ça, j'ai envie. Pour l'instant, en tout cas, je touche du bois, ça se passe bien. Et puis, c'est rigolo. En fait, ce qui me le plaît le plus dans cette, au final, dans cette situation qui est un peu bizarroïde, c'est que j'ai eu beaucoup de gens que je n'avais pas eu au téléphone depuis très très longtemps. Donc ça fait plaisir. Et je trouve surtout, c'est qu'il y a une série de choses qui sortent au niveau humoristique qui sont extrêmement bien. C'est vrai, c'est très riche. Et je trouve que c'est très, très, très, très chouette. Ce côté-là, en tout cas. La créativité d'Internet, là, elle tourne à pleine balle. Hein. Là, c'est clair et net. Hein. Ça fait du bien quand tu as besoin d'une petite pause dans ta journée de travail et que tu vois que des trucs catastrophiques toute la journée, quand tu vois une blague débile. Mais c'est ça. Ça fait trop du bien. C'est comme manger un carreau de chocolat ou boire un verre de coca quand t'es au bout de ta vie. C'est vraiment sympa de rigoler un peu. Vous avez des recommandations Alors moi, si vous voulez, je voudrais bien vous filer le numéro de mon boss parce qu'il a créé un groupe WhatsApp juste avec les personnes de l'encadrement et dessus, il n'y a que des conneries qui circulent. C'est excellent. Je te jure, c'est trop bon. Actuellement, tous mes groupes WhatsApp n'envoient que de la merde. Hein, tous mes groupes WhatsApp envoient de la merde sur Covid. Mais vraiment que ça, quoi. Genre, les groupes qui d'habitude sont des groupes de discussion normaux, alors là, ils se sont tous reconvertis. Et pourquoi tu ne nous fais pas partager alors sur WhatsApp ? Vous me demandez, moi, je vous fournis, je vous forward tout. Hein. C'est un bazar complet. Et nous, on a aussi un WhatsApp pour le boulot. Et en même temps qu'on fait du boulot pour le Covid dans les hôpitaux, on s'envoie des blagues sur le Covid. Du coup, j'en peux plus, genre, je sature du Covid. Arrêtez de parler du Covid. mais pas par mes collègues que je vois par ailleurs pour le Covid, tu vois, quand c'est... quand ça vient de l'extérieur. Alors, je dis un truc, que je fasse l'instant relou, je suis désolé, mais il va le falloir. Suis désolé... disons-le le Covid, ce n'est pas le Covid. C'est la Covid. Merci beaucoup. C'est tout. Absolument. Voilà, fin de l'histoire. Merci. C'était mon intervention. Parce que co comme corona, ro comme respiratoire et c'est co comme corona, v comme virus, c'est d comme disease. Donc c'est maladie. Exactement. Et 19, c'est ça. Tu vois, je suis tellement dedans toute la journée que j'en oublie la base. Et pourquoi 19 ? Donc, excuse-moi. Apparu en 2019. Parce que c'est l'année de... C'est l'année de l'apparition. C'est le millésime. C'est désolé. Ah, c'était la question conne de la soirée. Ça me va. C'était l'info inutile. C'était l'info inutile, c'est pas le Covid, c'est la Covid. C'est tout, voilà. Et on parlait de trucs cool sur Internet. Mais je consulte pas les trucs spécialement drôles en ce moment. On est plutôt dans l'indignation, j'avoue, avec les groupes auxquels je participe. J'essaye quand même, malgré tout, et c'est ça que je voulais aborder avec Rémi. J'essaye de tenir une petite diète de réseaux sociaux. C'est super dur parce que c'est tentant. On cherche des news, ouais. On a envie de savoir où ça en est parce que c'est compliqué. Et on a tendance à polémiquer un peu dans tous les sens. Mais du coup, je veux vraiment les prochaines semaines, moi, personnellement, m'imposer cette diète. Mais il y a quand même des trucs cool qui sortent. Je voyais par exemple ces derniers jours une dessinatrice qui s'appelle Pénélope Bagieux, que vous connaissez peut-être on a un spécialiste de la bande dessinée avec nous, avec Jean-Yves, Pénélope Bagieux, qui a mis à disposition sur son Twitter un template, en fait, je sais pas si c'est elle qui l'a créé, mais en tout cas, elle l'a mis à disposition, un template avec une pièce, quoi, de quelqu'un pour quelqu'un qui est confiné, avec un escalier, et voilà, c'est tout, et ensuite, les gens sont invités à agrémenter ce template de leur imagination et de des conditions dans lesquelles ils vivent ce confinement. Donc c'est énormément de créativité, c'est incroyable ce qui est développé en matière de dessin à partir de ce petit template, et je trouve que c'est vachement cool parce que enfin moi j'y ai mis mes enfants, en fait j'aurais suggéré sympa. Donc super sympa. Donc ça, c'est mon petit coup de cœur, en fait, de ce moment si spécial. Bah, tu nous le partageras. C'est par Twitter qu'elle a partagé, tu dis? Moi je l'ai vu sur Twitter. Après, c'est peut-être aussi d'autres canaux, mais voilà. Ok. Bon, on va laisser partir nos invités, mais avant ça, on va leur demander soit peut-être un dernier petit mot ou une dernière petite recommandation pour nos bonitos. Les trucs que j'ai décidé de faire là pendant, donc je me refais tous les classiques de BD que j'ai à la maison, donc tous les 13, les Largo Winch, enfin tous les trucs comme ça que j'ai à la maison, ça me fait plaisir, et puis avec ce que j'essaye de faire aussi, c'est de garder un petit peu d'activité physique, et donc j'essaye de tester tous les trucs que j'aime pas ou je suis mauvais dans le jardin. Donc en gros, c'est la corde à sauter, tout ce qui est des trucs tout débiles. Et les burpees. Oui, mais c'est ça. Il y a des trucs comme ça qui sont prévus, les pompes. On va se faire un challenge burpees à la Bonito, ce serait bon. Et ça. C'est assez rigolo. Et d'ailleurs, moi j'ai fait l'erreur. Donc si les gens pensent le faire, c'est que la corde à sauter pieds nus, ça fait très mal. Surtout si tu loupes, c'est exactement. Ça. Exactement. Je me suis loupé beaucoup, ça. Quoi. Donc faites attention les bonitos, voici le conseil de... Mais sinon BD, BD, beaucoup de BD. Et une BD à donner aux bonitos, une seule, s'il y en avait qu'une. Ouf. Attention, t'as pas le temps de réfléchir. Black Sad. Ok. Ouais. Bon, wow. Super, mais très bien Charlie, merci claque. Beaucoup. Et bon courage. Merci beaucoup, à bientôt. Et Hélène, merci beaucoup aussi d'être passée, alors que je pense que tu aurais préféré peut-être juste dormir ce soir, peut-être. Non, mais ça me fait du bien de voir autre chose, et surtout des têtes, des voix connues, plutôt. Mm-hmm. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Pour le petit mot, je dirais, si vous connaissez, si vous avez dans votre entourage proche ou virtuel, des soignants ou des personnels administratifs ou techniques des hôpitaux, ou alors encore tous les gens qui travaillent vraiment sous pression dans d'autres secteurs en ce moment, n'hésitez surtout pas à leur envoyer des petits mots, mais pas forcément... si, ça fait toujours du bien de recevoir des petits mots genre courage, vas-y, voilà, mais aussi, je sais pas, une photo d'une fleur ou de votre chat ou juste un petit coucou ou n'importe quoi, juste pour... Des kudos pour, Oui, absolument. Non, non, non. Ben non. un petit clin d'œil, un petit coucou. Alors, pour être très honnête, vous verrez sans doute la petite tique en bleu qui s'allume en disant « votre message a été lu » et pas de réponse après, mais c'est parce qu'on est hyper occupé. Mais quand on a vu le message, j'ai une copine qui m'a envoyé une photo d'elle avec son chat ce matin, ça m'a fait trop plaisir. Voilà. Okay. Donc, n'hésitez pas si vous avez des amis... qui sont vraiment sous l'eau en ce moment, à leur envoyer des petites choses toutes simples qui font toujours plaisir. Voilà. Ok, parfait. Merci beaucoup en tout cas. Merci, bon Hélène. Courage à toi. Merci. Hélène. Bah, merci. Et puis bonne organisation de ta prochaine sortie. Rêve bien en la préparant. Ah ouais. Ouais. Bon bah du coup on se retrouve de nouveau nous trois, Émir, David, ça va? Yes. Bah, ça va. Ça va. Ça fait plaisir d'entendre. Ça nous a fait du, ça nous a mis du baume au cœur. Bah, j'espère que ça sera la même chose pour les Bonito. Bah carrément. C'est ça qu'il faut faire. Comme on se le disait, voilà, c'est l'occasion hein, de se croiser, de croiser du monde qu'on croise pas toujours, tu vois, de l'occasion de faire des petits rassemblements virtuels comme ceux-là qui font chaud au cœur. Ouais, c'est vraiment virtuel, attention. Ouais, virtuel bien sûr. Le mot est très important. De faire des rassemblements virtuels. Usons et abusons de la visioconférence. La planète nous en voudra un tout petit peu quand même à l'issue de ça. au niveau des tuyaux qu'on Exactement. Est en train d'encombrer un petit peu quand même, mais bon. Ouais. Voilà. Il faut bien garder le lien quand même, voilà, d'une manière ou d'une autre. Les transports tournent moins, donc ouais, l'air se porte mieux, du côté des tuyaux d'Internet, on force légèrement aussi. Pour pas dire, on force un petit peu violent, ouais. C'est l'une des conséquences qu'on peut observer. Non, mais je crois que nos émissions de CO2, le numérique en fait, produit, je crois, 4% aujourd'hui des émissions de CO2 sur la planète, un truc comme ça. Et je crois avoir entendu que l'année prochaine ou dans 2 ans, ce sera 6% et ça augmente très vite. Et je pense qu'on a donné un bon petit coup de boost ces derniers temps. Enfin, on est en train de donner un bon petit coup de boost à ce type d'émission-là. Attends, on me dit en l'oreillette, parce que il faut dire au Benito que nos invités sont partis, entre guillemets. Ils nous entendent toujours, en fait. Ils sont toujours dans la conversation. Et ils sont en train de me dire qu'ils ont oublié de dire quelque chose d'important. C'était les applaudissements à 20h qui se passent donc en France. Ouais. Et c'est super important. C'est, voilà. Donc, je ne sais pas si les Bonito le font. C'est super gentil, c'est touchant. Est-ce que vous le faites? Ouais, je ne sais pas. Vous attends, le faites, ben, on écoute leurs réponses. Ben, eux le font, voilà. C'est ça, ce qu'ils nous ont dit. Dans ma résidence en fait c'est un moment qui est assez exceptionnel hein, vraiment c'est vu que j'ai les fenêtres enfin j'ai toutes mes fenêtres en fait elles donnent sur l'intérieur de la résidence et je vois aussi du coup j'ai des vis-à-vis avec les gens avec tes voisins que t'avais jamais vu en fait ce soir. Bah si on se voit tout le temps vu qu'on est on est des voisins de vis-à-vis donc on se voit à peu près tout le temps. Le moment où tout le monde sort à 20h et ça fait un boucan dans la rue, mais un boucan, on dirait qu'il y a un spectacle quoi, qui est en train de se produire dans le square en bas. Quoi. Ouais. Et c'est vraiment émouvant. Franchement, tous les soirs à 20h, je trouve ça émouvant. Il y a une énergie qui se dégage de ce moment qui est belle. Quoi. Vraiment, ce truc me touche, moi. Ouais. Du coup, j'ouvre ma fenêtre, je fais un peu de bruit et puis voilà. Quoi. Mais c'est génial. Nous, on n'a pas ça aux États-Unis. Jean-Yves non plus ne l'a pas en Belgique. Hein. Donc, peut-être on peut expliquer, peut-être pour les Bonitos, s'il y en a certains qui ne savent pas ce que c'est. Vous pouvez l'expliquer, vous qui êtes en France. C'est très clair. En fait, les citoyens ont décidé, je ne sais pas d'où ça vient, en fait, mais ont décidé de rendre hommage au personnel soignant, aux personnes qui sont touchées, en tout cas au contact au plus près de ce virus, ont décidé donc de supporter, de rendre hommage à tous les personnels soignants en faisant un maximum de bruit à 20h et en particulier des applaudissements. Mais je crois que ça va vraiment au-delà de ça, les gens crient, les gens font du bruit un maximum. Je pense que c'est peut-être inspiré de ce qui se passe en Italie où les gens sont confinés et sont dans les résidences, chantent beaucoup et nous on a décidé de faire un max de bruit, c'est vraiment vraiment très très touchant et en même temps ça permet une espèce d'union sacrée en fait autour de ça et c'est vraiment salutaire parce que ben on sait hein, l'hôpital depuis longtemps a tendance à souffrir un petit peu, je dirais. Très bien. Bon, bah moi, on ne m'a pas demandé, mais parce que je passe toujours en dernier. Je passe toujours en dernier dans cette émission, il y en a ras-le-bol, quoi. Hein? Non, parce que je voudrais quand même dire comment ça se passe aux États-Unis. C'est assez différent, tout du moins. Ouais. Déjà, c'est différent parce que Moi, j'ai trouvé assez difficile de trouver des informations parce qu'on est un grand pays et qu'il y a déjà des comment dire, le pays en lui-même va donner certaines consignes, puis tu as l'État qui donne des consignes, puis tu as le county, c'est les séparations dans l'État. Ouais, c'est un peu comme des départements, régions, si tu veux, quoi, dans des régions. Ouais, ou des régions. Et en plus, tu as la ville aussi qui peut donner des consignes. Des directives. Ouais. Donc moi, j'ai trouvé assez compliqué de savoir où trouver l'info, parce qu'il n'y a pas de JT, hein, comme on a en France. Il y a Fox TV quand même. Ouais, je vais éviter Fox TV, tu m'excuses. Fox News. Fox News, oui, c'est ça. Mais voilà, et on est, nous, un petit peu en retard par rapport... Enfin, en retard, ça s'est déclaré un peu vous êtes en décalage. Plus tard. Ouais, on est en décalage par rapport à vous. Et du coup, on est en lockdown ici, là, maintenant, juste depuis aujourd'hui, quoi. En Californie, en tout cas, tout du moins. Où on est obligé... Donc, ça veut dire quoi, lockdown ? Confiné chez nous, quoi. Voilà, où on a le droit de sortir seulement pour les raisons essentielles. Donc, aller faire les courses... Comment tu les justifies ? Eh bien, on n'a pas de justification, nous. On n'a pas besoin de justification à montrer. Il faut dire que... D'ailleurs, c'était... Si tu es contrôlé, tu t'expliques. Ouais, pour l'instant, je ne sais pas. Ça vient juste d'être mis en place. Alors, est-ce qu'on va être contrôlé ? Ça, c'est autre chose. Peut-être oui, si les gens ne respectent pas. Mais il faut dire aussi qu'aux États-Unis... Enfin, en tout cas, quand le gouverneur de la Californie a donné cette instruction, il a dit c'est un contrat... comment ? Social, on peut dire ça ? Ouais. Un contrat social ? Ouais, comme pour dire, c'est entre vous et vous, quoi, s'il faut suivre les instructions, et puis voilà. Mais il faut dire qu'aux États-Unis, quand même, les gens ont un sens civique un peu plus développé qu'en France, je pense. Oui, c'est une autre conception, tout à fait. Voilà, ouais. Et du coup, je pense que serait facile... Si tu fais quelque chose de mal, ou ne serait-ce que quand tu vas au supermarché et que tu fais la queue au supermarché, jamais de la vie, il y aura quelqu'un qui essaiera de gruger dans la queue du supermarché, parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour le dire « Mais qu'est-ce que vous faites ?» quoi. Alors qu'en France, on dira rien. On râlera, mais on dira rien. Bah, c'est les choses qui se font pas. Et du coup, je pense que... Voilà, si on nous dit de faire quelque chose, on va le suivre. Parce que c'est pour l'intérêt de la nation, etc. Tu vois, c'est un peu plus développé, ça, aux États-Unis. Oui, il n'y a pas ce côté un peu latin, dissident. Ouais. Mais en tout cas, c'est ce que je pensais. C'est ce que je pensais. Et aujourd'hui, j'ai vu quand même pas mal de monde de dehors. Et alors, je me suis dit, ça m'a étonné. Ça m'a étonné des États-Unis, des Américains, parce que je pensais qu'ils suivraient beaucoup plus les consignes. Maintenant, il faut savoir qu'on a eu cette consigne de rester confiné par le gouverneur de Californie tard dans la soirée, hier. Et sincèrement, je ne sais pas si tout le monde est au courant, quoi. Parce que comme c'est assez difficile d'avoir un endroit où tu récupères toutes les infos, c'est... Voilà. Donc, je ne sais pas. On verra dans les prochains jours. Et peut-être que justement, si les gens ne suivent pas, ils contrôleront et... Et il y aura peut-être des amendes, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Tu ne sais pas comment c'est prévu, tout ça. Ouais, je ne sais pas comment ça va évoluer. Voilà. Voilà pour la partie californienne. Pour les news californiennes. Et du coup, parce qu'on a demandé à nos invités qu'est-ce qu'ils faisaient, s'ils avaient des recommandations pour s'occuper pendant le confinement. Et vous n'en avez pas, vous ? David, peut-être ? Amy. Ouais, moi je veux bien. J'en ai. C'est-à-dire que, comme beaucoup, j'en profite pour faire des choses que j'ai remis à plus tard. Alors, entre, bien sûr, des tableaux, des Excel pour le travail, les devoirs pour les enfants, etc. J'essaye, moi perso, d'améliorer mon espagnol que j'ai repris depuis quelques temps, donc ça va me permettre de passer un peu plus de temps là-dessus. Super, tu te formes comment ? Eh ben, déjà j'ai un prof. Ah oui, bah c'est vrai, c'est pas mal. Voilà, donc ça aide bien. Donc il me donne, là on se voit pas parce que ben c'est pas possible, mais il me donne des choses à faire, des fiches, etc. Donc ben, comme les enfants. Hein. Donc j'avance, puis après ben, quand t'es adulte, c'est sûr que t'arrives à avoir plus d'autonomie, donc il m'aiguille et puis il me donne la ligne et puis je fais ce que j'ai à faire. Sinon, il y a les applications hein, qui vont bien aussi. Là, et... Je gagne pas des ligues, ouais, je gagne plus des ligues à Squadrunner, je gagne des ligues à Duolingo, quoi. Non, mais voilà. Bon, parfois, moi, j'utilise des petites applications, surtout pour la conjugaison, parce que c'est pas un truc toujours très marrant. Non, mais sinon, au niveau sport, moi, j'en profite d'être avec les enfants pour jouer au foot dans le jardin. Non, mais avec mon fils, on a instauré un petit concours de jonglage au foot. Et donc on se fight tous les jours, on a un fight tous les jours. On a des Twitter, c'est top. T'as vu ça? C'est super top. On a 5, 10 ou 15, ça dépend du temps qu'on a, manches. Et puis chacun son tour, on jongle et celui qui fait plus de jongles gagne un point. Mais sinon, en termes de recommandations, oui. Alors déjà, je me suis installé, peut-être qu'on pourra en parler avec Emir, il a peut-être des jeux à nous recommander vu qu'il aime les jeux vidéo. Je me suis téléchargé Football Manager 2020, moi je suis un fan de foot, donc pour l'instant je l'ai téléchargé, il est installé, il est prêt, mais je ne me suis pas encore lancé parce que je sais que c'est hyper chronophage. Et bien sûr de la lecture parce que ben forcément j'adore ça, j'ai découvert les mangas un livre à nous. Ah non, j'en ai, allez, un seul. Non, je peux pas, c'est impossible. Mais je vais juste vous annoncer, vous donner quelques noms de mangas que j'ai adoré ces derniers temps et je vais vous recommander un livre. Les mangas, en fait, j'ai terminé la série de Pluto. Plutôt, c'est un manga de Naoki Urasawa que j'adore en fait. Je sais pas si vous connaissez l'histoire de Astro Boy. C'est un manga qui est assez connu. C'est un robot. Oui. Hein. Donc c'est inspiré de ça et donc c'est un manga que j'adore. C'était un dessin animé. Ouais, c'était aussi un dessin animé, tout à fait. Manga, ouais, un dessin animé et donc c'est inspiré d'une des histoires de Astro Boy. Et donc c'est une série, on va dire, policière hein, de 8 tomes, 7 ou 8 tomes, ouais 8 tomes, j'adore, vraiment super. Urasawa a aussi sorti un petit truc que je trouve super sympa, ça s'appelle Asadora, c'est un manga, le premier volume est sorti. C'est un manga justement qui se passe au Japon, la ville, j'ai oublié. La toile de fond, c'est un peu... c'est la course à pied un peu. C'est une fille qui court toujours en fait. Et elle a des amis qui préparent les JO. On revient à la course à pied. Ouais, on revient un petit peu à la course à pied, c'est cool. Et enfin, c'est une toile de fond qui s'installe là, pour un premier tome qui est sorti. Et ça a vraiment l'air génial. Bon, la toile de fond, c'est aussi le Japon, qui est aussi une terre de catastrophes naturelles, etc. Donc bon, c'est vraiment sympa. J'en ai lu d'autres, des mangas. Il y a le premier tome de Girls Last Tour qui est sorti, que j'ai aimé. La voix du tablier, c'est un truc trop marrant en fait. C'est un ancien Yakuza qui a décidé en gros de se mettre à la retraite et qui devient homme au foyer. Donc c'est plein de petites scénettes qui sont drôles et on se demande si il va finir par buter des gens, mais en fait toujours pas. Et bon, il y en a d'autres, je vais pas tous les citer comme de... Ouais, je vais pas les citer. Je suis quand même un petit peu en deuil parce que Walking Dead c'est terminé et j'ai vraiment adoré. Bon, c'est pas un manga, mais du coup je suis vraiment en deuil parce que j'ai terminé tout ça. Donc je vais me mettre à Oblivion Song, je crois que c'est la série suivante de Robert Kirkman qui a créé Walking Dead. Et si je devais citer un livre qui m'a beaucoup plu, j'aurais presque besoin de Xavier pour prononcer son nom. C'est un écrivain chinois. Ah. Un écrivain chinois de science-fiction. Vas-y, on demandera Xavier. Ouais, alors je tente hein, quand même. Hein. C'est l'écrivain qui a écrit la trilogie Le problème à trois corps. Ça s'appelle Terre errante. C'est une petite nouvelle qui fait 80 pages peut-être. Et l'écrivain s'appelle Liu Xixin. Voilà, donc Xavier qui doit être je vois qu'il est en train d'écrire sur le Discord. Il va m'insulter normalement dans quelques instants. Je pense, ouais, parce que le Xixin, enfin voilà. Liu Xixin, Liu Xixin. C'était pas mal, Mathilde. Ah, c'était pas mal, Mathilde. Ah, génial. Il faut dire Liu Xixin. Donc voilà, c'est une nouvelle que je recommande. Bah, c'est le... je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas... je suis pas critique littéraire, mais si vous voyez passer et que vous aimez la SF, bah, n'hésitez pas, quoi. Parfait. Et Mire, du coup, tu as des jeux ou quelque chose à nous recommander? Oui, c'est vrai que je passe beaucoup de temps devant les écrans, clairement. Ça, c'est comme ça que j'occupe le temps en dehors de mon télétravail. Donc déjà, télétravail, il m'implique que je suis toute la journée devant mon écran et je n'arrête pas. Hein. Je connais beaucoup de gens qui disent « moi, je passe toute la journée devant un écran, donc quand je rentre le soir, je ne touche plus à un écran ». J'en connais des comme ça. Bah, moi, pas du tout, en fait. Hein. Moi, c'est... Pas du tout. Ouais, je continue. Hein. Je persévère. Plus il y a d'écran, plus c'est mieux. Plus c'est bien. Je persévère. Et donc, pour ceux qui sont un peu comme moi, bah, en fait, je... Eh bien, je parcours assez souvent les stores de jeux sur lesquels il y a bien souvent des promos et parfois même des Steam. Jeux gratuits. Alors, Steam, ouais. Et surtout, bah, l'Epic Games Store, qui est en fait... Le store qui est né de, enfin, qui de est né... Fortnite. Ouais, je crois qu'il est né de non Fortnite. Et du coup, le studio a tellement engrangé d'argent avec, avec Fortnite que le store en ligne se met à être un concurrent réel pour Steam. Qui... Du coup, et pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, Steam et Epic Game Store, ce sont des boutiques en ligne de jeux dématérialisés. Et du coup, Epic Game Store met régulièrement à disposition des jeux gratuitement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut, enfin, qui peut être utile pour s'occuper. En ce moment, on en a parlé tout à l'heure, il y a plusieurs services en ligne, que ce soit des services de sport à domicile ou d'autres types de services en ligne, Canal+, je crois, par exemple, qui ont rendu totalement gratos. Ah ouais, j'avais vu que Canal+, c'est passé en... Ouais, ouais. Voilà, qui décide hein, de rendre totalement gratos du contenu. Donc ça, c'est plus pour alors, les applis de sport, voilà, c'est, on peut tester des applis de sport à domicile sur des périodes gratuites qui sont prolongées dans le cadre de cette situation. Ouais. Donc ça, c'est cool. Il y en a beaucoup, ça, qui font ça. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça existe. J'en ai vu passer au moins deux. Je ne sais pas les nommer, pardon. Mais ça se trouve. Il y a donc du contenu. Moi, ouais. J'aurais des recommandations pour les Bonito pour ça. Bah, pour parfait. Cool. Ouais, du coup, je leur dirai après. Ouais. Cool. Vas-y. Ouais, les contenus à regarder, hein, donc tout ce qui va être série, film, évidemment, ça on connaît. C'est quoi ta série préférée? Oh putain, tu m'en poses une colle là. J'en sais rien. J'en ai aucune idée. C'est quoi est-ce que tu regardes un truc en ce moment? Non, je regarde pas de série là. Non. Je fais beaucoup de jeux vidéo. Et du coup, là où je me sers aussi, c'est je suis abonné au PlayStation Plus sur la PlayStation qui permet, pareil, tous les mois d'avoir, je crois que c'est un ou deux jeux inclus dans un abonnement. Donc un abonnement qu'on peut trouver à 45€ par an et dans lequel on trouve à peu près deux jeux gratuits. Donc je trouve que c'est quand même vachement un bon plan parce que ça fait vraiment pas cher. Et en particulier, là, en ce moment, chez PlayStation, ils ont fait une promo au mois de mars là où en fait il y a des jeux qui sont vraiment vraiment pas chers, d'énormes promotions. Donc on voit plein d'initiatives sur des contenus digitaux là popés pour rendre super accessible, avoir du gratos, ce genre de choses. Donc moi c'est ce que je regarde régulièrement, je regarde ça au quotidien. Ouais. Voilà, moi je suis jeux vidéo, contenu en ligne et voilà. Okay. Sur les stores en ligne c'est très bien, sur Il y a pas mal de promos et je trouve que c'est les éditeurs, ces gens qui mettent le contenu à disposition, je pense que c'est à la fois du bon cœur, notamment Amazon, pour certains d'entre eux, en tout cas les plus petits, je dirais que c'est du bon cœur, mais aussi c'est probablement aussi pour se mettre bien auprès des gens dont ils vont gagner la confiance en faisant ça. Oui, bien sûr. Ouais. Évidemment, on perd pas le nord. D'ailleurs, je crois qu'Amazon a fait sur son Prime Video, pareil, a dû rendre gratos l'abonnement ou le rendre illimité. Enfin, je sais plus dans quel pays ils ont fait ça, mais voilà. Il y a des sociétés, on sait très bien que c'est des moves marketing. Voilà. Hein, ouais, on mais sait. En même temps, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Eh ben non, on peut pas leur en vouloir. Non, je pense que dans ce cas-là, c'est un move intéressant pour eux à long terme, mais qui en même temps est salutaire parce qu'au final, ils se disent, bah, on est tous en galère, moi je vous donne mon contenu de divertissement gratos. Bah, et je trouve que c'est une bonne chose, vraiment. Puis ça permet aux gens d'essayer, puis voilà, après si ça leur plaise pas, ils sont... Ouais, c'est bien pas sûr, grave, oui, l'utilisateur de type crevard que je suis moi-même, à prendre les périodes gratos à chaque fois et me barrer au dernier mais jour, moi aussi... ça c'est quelque chose de... que j'encourage à faire. Moi aussi, je fais ça souvent. Et alors on a parlé de séries, et j'ai dans mon oreillette, j'ai une oreillette extraordinaire en ce moment, qui on me dit, Jean-Yves me dit... les séries recommandées, Good Omens, je sais pas connais. Si ça se prononce comme ça, et Motherland. Ouais, je connais Good je Omens. Je connais pas du tout les deux. Je l'ai pas regardé, mais c'est adapté, je crois, d'un roman de Neil Gaiman et Terry Pratchett, je pense. Ça va être une série qui, je pense, qui doit être adapté quoi. Ouais. Voilà, c'est tout ce que je sais. Et tu sais où c'est dispo toi? Mais Neil Gaiman, c'est quelqu'un qui écrit de la science-fiction souvent, et Terry Pratchett, c'est plutôt du, comment on appelle ça, de la fantasy, je pense. Donc où c'est dispo, je crois c'est dispo sur non, peut-être pas Netflix, il y a quoi d'autre? Comme Amazon. Prime Video, ouais. Je sais plus, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais... Disney Plus, là, je crois, il y a aussi. Non, je sais plus. Mais bah, peut-être sur Netflix, après, hein, je sais pas. On va peut-être nous le dire sur le Discord. Non, on ne nous dit rien, on ne dit rien. Je n'ai rien qui revient à l'oreillette. Moi, je conseille Bonito, puisqu'on a le temps, en plus, quoi. Et c'est long. Et c'est sur Netflix, alors je sais pas si vous avez Netflix. The Office, tout simplement. Je sais pas si vous avez déjà regardé. J'ai vu, ouais. J'ai pas la version américaine. Hein. J'ai vu ça. C'est sur Netflix. J'aime bien. C'est rapide parce que c'est des épisodes de 20 minutes. Et du coup, c'est sympathique. On se fait ça partant de confinement. Et pour ceux qui bossent dans les bureaux, c'est des très belles caricatures. Hein, Oh punaise. Moi, si j'avais un chef comme ça, non, c'est pas possible. Quoi. Je le défonce, c'est pas possible. Ouais. Mais bon, il faut tenir, parce qu'au début c'est un peu bizarre. Hein. Au début je me disais c'est trop nul, c'est trop, le trait est trop poussé, ça me plaît pas, et puis au final c'est bien. Et David, non, pas du tout. Emir, tu nous as parlé d'applications sportives, enfin pour rester actif pendant le confinement et tout. Et donc moi j'aimerais revenir là-dessus parce que je teste pas mal de trucs en ce moment justement. Et on peut trouver pas mal de contenu sur Instagram, figurez-vous, sur Instagram Live. Ah, il y en a beaucoup qui font des... Ouais. Je ne l'utilisais jamais avant ça. Et depuis là, je l'utilise. J'ai essayé un truc qui s'appelle Barry's Bootcamp. Je crois que ça vient de la côte est des États-Unis. Et j'ai essayé ce matin aussi une vidéo de Sarah Fitt. Je pourrais donner les liens dans les références de l'épisode. Après, il y a aussi YouTube, tout simplement. Sur YouTube, il y a pas mal de chaînes de sport où on peut trouver des workouts gratuitement. Voilà. Peut-être qu'un jour, tu nous feras tes propres vidéos. Écoutez, je vous en ai parlé un petit peu. Avec toi, David, ou avec... Non, sur le chat commun, hein. J'ai eu la très bonne idée de me dire, tiens, je vais enregistrer une vidéo, je vais enregistrer des cours de pilates, hein, pour mettre sur ma chaîne YouTube. La faire revivre, enfin. Enfin. Et il m'a fallu 3 essais pour y arriver. J'y suis arrivée. Ça voulait pas. Et ouais, ça voulait pas. J'y suis arrivée à l'enregistrer là. Maintenant, il faut que je la monte et je la mettrai. Donc, si ça vous intéresse, je vous donnerai le lien. Et ça m'a permis également, parce que je l'ai enregistré en anglais, de me rendre compte que j'ai un accent extrêmement pourri en anglais. Ouais. J'étais dégoûtée. Parce qu'on ne s'en rend pas compte quand on parle, en fait. Mais quand on s'entend dans une vidéo, on se dit, oh mon Dieu, c'est horrible, quoi. En fait. En fait, c'est horrible. Donc, je m'excuse d'avance pour cet accent. Mais bon, moi, vous comprendrez. Je suis sûr qu'il est bien, ton accent. Ah, non, quand même. Mais non, je suis sûr que la quasi-totalité des gens, ils vont t'entendre et ils vont eux-mêmes se dire que... Eux, ils sont mauvais, ils vont culpabiliser. Voilà. Et puis Jean-Yves, il peut leur générer un complexe. Et puis Jean-Yves, il pourra se venger parce que dans la dernière émission, il a prononcé quelques phrases en anglais et bien moqué. Et je me suis pas moqué, mais bon, je me suis dit, d'ailleurs, j'ai pas les Français comprendront. Je me suis écouté. Ben, j'ai pensé à lui quand j'ai écouté ma vidéo de Pilates, je me suis dit, ah, ben, je peux me taire, parce que aussi pour moi aussi, les Français comprendront très bien avec mon accent. Voilà. Donc oui, ben, j'espère en faire régulièrement. Ouais. C'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps, et puis je me suis dit, là, c'est le moment. Donc, j'en ai enregistré une. J'espère enregistrer une par semaine, j'espère, on verra. Et j'espère que vous essaierez, Émir et David. Ah ouais, le Pilates. Carrément, en famille. Tu m'as donné ta vidéo, je le fais right now. Oh, on pourrait le faire tous ensemble, ce serait tellement beau. Et je fais une vidéo de moi en train de faire ta vidéo. Ah oui, oh, ce serait beau. Écoute, franchement, tu le fais. Hein. Oui. Là, maintenant, je suis obligée de la publier, cette vidéo, maintenant que j'en ai parlé. Bah oui. Voilà. Super. Donc voilà, donc les bonitos, n'hésitez pas à me demander si vous voulez des recommandations de... J'ai essayé pas mal de channels sur YouTube de workout en ligne, donc n'hésitez pas. Mm-hmm. Voilà. C'est tout. Super. Je pense que j'ai d'autres... Puis la cuisine, moi aussi, je cuisine beaucoup, quoi qu'il en soit, donc on continue à cuisiner. Il faudra que je donne une recette vegan, hein, Émir. Ouais, là, pour compenser un petit peu. Mm. C'est vrai que là, on était en sueur un peu. Toi, t'as donné juste la recette des pommes de terre à l'eau, ça nous met pas trop en valeur. J'ai pas donné la recette des patates à l'eau. Ah, en plus, tu l'as même pas donné. Ouais. Mais on la mettra quand même dans la description de l'épisode. La recette des patates à l'eau, ouais. la mienne, hein, ma recette à moi, des patates à l'eau, elle est importante, tu vois, elle diffère de la quasi-totalité. Par contre, il nous faudrait un épisode spécial un peu autour de la cuisine, le running, la course à pied et un peu la cuisine. Ouais. Il faudrait ça. Bah écoute, alors on va avoir du temps. Oh, punaise, on va avoir du temps avec le confinement, on va faire des trucs de ouf pour Jogging Bonito. Ouais, on va faire plein d'épisodes en fait. Ouais, va falloir me traîner au mic hein, comme d'habitude, moi. Mais écoute, commence déjà à écrire ta chronique hein, pour la prochaine fois. Déjà. Merde. Ah, mais attends, est-ce qu'il faut préciser quand même, c'est que l'émission elle s'est décidée vraiment au dernier moment parce qu'on s'est dit qu'on hier voudrait. Voilà. Non, on s'est dit qu'on voudrait proposer un contenu cool pour pas hier. Les auditeurs. En début de semaine. Ouais. Voilà. Et Émir, bon, il n'a pas été super rapide à réagir, mais on savait qu'il réagirait, etc. C'est vrai, il faut expliquer, vas-y. Voilà. Et on lui a fait croire qu'il y avait une chronique. Et ben, même pas, il n'a pas dit non, quoi. Il a pas dit, c'est bon, donc, les gars. Ouais, c'est un peu le rush, mais. Tu serais prêt pour vendredi ? Ouais, c'est bon. Ça va faire. C'est vrai. Mythique. Émir est toujours prêt, de toute façon. C'est ça qui est bien. C'est ça, exactement. Moi, et pour terminer, ben moi j'apporte à me supporter les gars parce que quand je disparais trois plombes du groupe et que vous me dites rien, ben moi ça me fait plaisir. Mais c'est ça, Jogging Bonito. Écoute. Exactement. C'est pour ça qu'on est toujours là. Et pour terminer, moi j'avais envie de dire un truc parce que j'ai pas encore eu l'occasion de le dire et j'avais dit à Amir, j'ai un truc à te dire. J'ai une dent contre les carnivores je le garde pour l'épisode. Amir, figure-toi, quand je suis allée faire les courses samedi, on n'était pas encore confinés hein, samedi dernier. Ouais. On nous avait volé tout notre tofu. Comment ça, qui a fait ça? Oui, mais parce que je sais pas. Je crois qu'en fait, ils rationnent un peu la viande parce que sinon les Américains ils sont là, oh là là, mon Dieu, je vais plus avoir de viande, mon Dieu. Et du coup, j'avais vu qu'ils rationnaient, genre t'as le droit que deux trucs de viande par personne, ou je sais pas quoi. J'ai pas trop regardé, ce n'est pas les rayons dans lesquels je passe, hein, donc excusez-moi. Mais toujours est-il que quand je suis allée au rayon tofu, tempeh, tout ça, eh ben plus de tofu. Mais et là, c'est un scandale. Là. Ouais. Ah non, mais c'était un scandale, les gars, vous vous débrouillez avec votre viande, là, venez pas nous saouler maintenant, quoi. Ouais, les mecs. Mais encore, ils avaient pas encore découvert le tempeh, donc on est encore bon. Heureusement qu'ils ont rien compris. Il faut pas leur en parler, hein, leur... parce que le tempeh, ah, bah non, c'est bien meilleur que le tofu, mais bon, enfin, on dit rien. Faut pas le... Ah bah ouais, non, faut pas leur en parler. Après, ça se discute, là, les tofu marinés un peu. Non, moi j'aime pas, ouais, je sais pas. Moi je le fais mariner moi-même, le tofu, quand j'en fais, mais bon. Ok, bon. Non, bah ouais, enfin. Venez pas nous emmerder, oh ouais. C'est clair, vas-y. On va croire qu'on est sectaire, tu sais, pas du tout. Mangez du tofu, les gens, c'était une blague. Ouais, vous avez quand même accepté de faire la promotion du porc au caramel, donc je pense qu'en termes d'ouverture d'esprit, ouais. On est tous bien. Émir, Émir Belkahia, il est dans... On parle de porc au caramel. Ouais, c'est vrai. Là, il y a un problème. Ouais, tranquille, je vais essayer. Je vais... Ah, t'as pas allé jusqu'à là, mais bon. Non, bah peut-être pas quand même, mais. Ah, parce que je sais qu'il y en a un qui me regarde d'un coin de l'œil là-haut. Là. Ouais. Ah ouais. Je sais que t'es pas hyper abonné à mes services, mais quand même. Hein, mais quand même, s'il te plaît, là, tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Oh, non, non, moi, Mohamed, pas Maurice, Mohamed. Mohamed, excuse-moi. Bon, et pour terminer, ben, est-ce que j'appelle notre dernier invité pour nous dire au revoir? Ah ouais, avec plaisir. Avec plaisir. L'invité. Carrément l'invité. Le Playboy de Jogging Benito, ça vous dirait? Allez, il est là. Et Playboy. Arrête de jouer avec le papier. Attends, toilette. Il faut que je tape au mur. Il est en train de jongler avec le papier toilette. Un Playboy de Jogging Benito qui arrive. On est à la fin de l'épisode. Coucou. T'as quelque chose à nous dire? Bah, je sais pas de quoi vous avez parlé. Ah, c'est vrai. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de t'entendre. Ça fait longtemps. Oui, ça fait très longtemps, en effet. T'as une recommandation? Qu'est-ce qu'on fait pendant le confinement? Tu fais quoi, toi? Bah, nous, on est des débutants. On commence seulement. On commence, ouais. Donc, nous, on est des newbies encore. Justement, on attend. Vous manquez d'expérience. De l'autre côté. Ouais, oui. Ben écoute, bon, faudra que tu écoutes l'épisode et il est blindé de recommandations. J'ai l'espoir, moi, d'entraîner avec moi le Playboy dans mes essais de différentes vidéos de workout. Cobaye. Mais pour l'instant, il me regarde, pour l'instant, il rigole, c'est tout. Il t'aide à produire le contenu, peut-être? Ah, de moi, les vidéos que j'ai faites, ouais. Moi? Non. Non. Mais il me regarde faire mes essais d'autres vidéos que je trouve en ligne, autres burpees et tout le tralala. Et il se marre. Mais s'il pouvait te filmer aussi, ce serait cool. Et nous envoyer des trucs, et nous envoyer des dossiers. Ah, il vous a envoyé une photo déjà. Enfin, c'est lui qui m'avait fait une photo déjà. D'accord. Après mon premier essai. Voilà. Mmh. Bon, ben, n'hésite pas à nous envoyer des dossiers. On attend ça. Pas de problème. Bon, ben très bien. Merci d'être venu nous dire bonjour. De rien, et à la prochaine. Ouais. Ciao. Ciao. Ciao. Bon, je vais laisser repartir travailler. Et j'avais une dernière recommandation. Ouais. Et ben, il y a un podcast que j'ai écouté ces derniers temps qui est pas trop mal en fait, qui parle de course à pied, de sport. Si. Ouais, toi aussi. Ah bah tu vas pouvoir le dire. Bah je te le dis vite fait en fait. C'est un truc qui s'appelle Pour le meilleur et pour la transpi, ça te dit rien? C'est non, le podcast lancé par Anne de Bendidou. Yeah. Ah yes. Non. Et ouais, ça y est, il l'a placé. Ça faisait placé. Longtemps. Voilà. Alors, je te laisse. C'est vrai qu'on a même pas parlé de podcast. Bah ouais. Bizarre, hein. Mais tu en avais un, t'avais une recommandation. J'en écoute pas, moi. J'en écoute que quand je cours. Moi, j'en ai une. Moi, alors, j'arrive après 50 ans après tout le monde, mais je suis tellement contente de l'avoir découvert. C'est à bientôt de te revoir. Ah. C'est ma nouvelle passion. Je suis pétée de rire à chaque fois. Enfin, pas à chaque fois, ça dépend. Mon épisode préféré, c'est avec Marina Rollman. Alors, celui-là, il était trop bien. Nous et j'ai pas de description à donner à ce podcast, c'est tellement bizarre. C'est du podcast souvent en live, avec des publics. Ouais, et puis c'est un peu de... Voilà, c'est la présentatrice est devenue mon idole. Je veux être elle, en fait. Tu sais, nous, ce qu'on aime bien souvent, c'est faire des descriptions pour Jogging Benito. Enfin, en tout cas, moi, j'aime beaucoup faire des descriptions des épisodes dans les plateformes de... dans SoundCloud, ah, par oui. exemple. Et ces ah, descriptions oui, à elles... Sont... Merci. Mais ces descriptions à elles sont super aussi. Faut les lire. Oui, c'est vrai, je les ai regardés aussi. Ouais, sympa. Ouais, sur Apple, enfin, tu sais, le truc podcast, là, tu peux... Et moi, je place une petite dédicace à quelqu'un qui s'appelle Gilbert Bribois, qui a parlé de nous sur son... Ah, j'ai cru que t'allais dire Gilbert Montagnier. Non, bah, je lui dédicace aussi, tiens, dire, pas punaise, de problème. Quoi, voilà, en plus, c'est l'heure, minuit 41, c'est l'heure habituelle, normalement, à laquelle on passe sous le soleil des tropiques, dans toutes les discothèques. Mais là, c'est plutôt Gilbert Bribois. Et là, hop, on met la musique. Je la mettrai. Personne n'était prêt pour ça. Non, personne n'a vu venir, ça là. Après Mike Brandt, tu vois. C'est des références de Margie. Mais ouais. Mais oui. Et donc, Gilbert Bribois, qui est une personnalité même des médias hein, qui est sur une radio hein, qui parle de foot, l'un des podcasts les plus écoutés dans le monde, en France en tout cas, et qui a un podcast aussi de course à pied qui s'appelle J'aime courir, et il a parlé de nous, il nous a fait une petite dédicace gentille dans son émission de foot, mais il a mal prononcé, il a pas dit jogging bonito, il a dit running bonito. Ça m'a, non mais n'importe quoi, bon, veut pas, non, on lui en veut pas. Non, non. Bon, bah les gars, moi ça m'a fait plaisir de vous avoir. J'espère que ça aura fait plaisir aussi au Bonito et que ça leur a donné une petite. Ça leur a procuré une petite bulle de fraîcheur en ces temps anxiogènes. Bah oui. Ça fait un peu pub de chewing-gum ce que je viens de dire, non? Ou pas? Ouais, quand même. Ouais. Ou de shampoing. Un petit peu. Un peu. Ou de shampoing, ouais. Finesse, c'est peut-être mon nouveau. Ma vocation, peut-être. On sait pas. La pub. Le marketing. Ouh, c'est loin de mes idées, mais bon, allez, on y croit. Bon, ben, on espère en tout cas que tous nos bonitos vont bien. J'avais envie de donner une petite phrase de motivation, mais je me permets pas quand même, David. Hein, merci. Quand même, on est chez Jogging Bonito. Mm-hmm. Donc juste, ben, à bientôt les bonitos. Très bon, très bien. Et portez-vous bien. Ouais. Hein, c'est pas mal. Ouais. Très bien. Ciao. Merci à vous les gars. Bye. Salut, bye. Merci à tous. À bientôt. Ciao. Si. Et on a même pas parlé de comment s'appelle de la sortie de la démo de Resident Evil 3 sur PS4 quoi. C'est... et moi j'ai l'impression que Resident Evil 3 ça sort tous les ans. C'est sorti depuis longtemps ce truc là, non? Ouais, mais c'est le remake là. Des remakes du remake, c'est pas possible. Non, le 3 il est sorti que deux fois. Donc en fait on est à l'épisode 20, mais voilà. Bon. Il faudrait peut-être qu'ils pensent à faire 4 du coup quoi. Bah ils ont fait le 4. Ils ont pas compris. Ah, ils ont fait le 4 en plus. D'accord. On en a eu 7 là. Okay. On a 7. Et après le 7 ils ont fait le remake du 2. Parce que le 2 comme il datait de 98, ils se sont dit vas-y, on est en 2019, on va remettre un. Hommage. Et là ils refont le 3. Parce que après le remake du 2, comme le remake du 2 il a bien marché, ils font le remake du 3. Du coup on sait pas quand le 8 il arrive. Ce sera un autre jour. Ils auront fini le remake du 3 peut-être.